Sortie culturelle. Écoutez Sorties culturelles, Pamela Bisson avec vous, de retour d'une pause estivale pour débuter la rentrée culturelle à CKRL. On est en compagnie de notre équipe ici à la station. Dany Fortin est avec nous, mais spécialement Jean-Sébastien Doré, directeur de la programmation, qui m'accompagne dans cette émission jusqu'à 18h. On va faire le tour du programme, de la programmation de la station, de toutes les émissions qui sont prévues cet automne. On va recevoir les animateurs avec nous en studio. Jean-Sébastien, allô? Salut Pamela, ça va bien? Merci d'être là aujourd'hui pour souligner cette rentrée avec joie et allégresse, comme on dit. Et merci de m'accueillir à ce retour de l'émission du retour, Sortie culturelle. Et oui, aujourd'hui, c'est ce moment de l'année. Oui, on vous présentera la nouvelle programmation automne-hiver 2023-2024 de CKRL. On a plein de belles surprises à vous dévoiler à l'émission aujourd'hui. Des grands retours sur nos ondes, également des nouveautés, bien sûr, dans notre grille horaire. On recevra les animateurs et animatrices de la saison. Plein de belles surprises, bref. Mais pour commencer, en effet, nous recevons le directeur général de CKRL, Dany Fortin. Bonjour Jean-Sébastien, bonjour Pamela. Ça va bien? Oui, très bien, merci. T'as quelques petites mentions à faire à nos auditeurs. La nouvelle saison qui commence, c'est également une nouvelle saison pour rejoindre les CKRL en tant que membre. Oui, c'est ça. CKRL, à chaque année, on a un lancement de programmation toujours en septembre. On a un autre également en janvier, qui est comme la deuxième partie de la programmation automne, hiver, printemps, une programmation été. Bien sûr, à chaque programmation d'automne, c'est le renouvellement également en partie des membres de CKRL. Mm-hmm. Donc, les membres cette année ont toujours trois options pour être membre de CKRL, c'est-à-dire une carte à 25$, qui est la carte régulière, qui donne droit à tous les tirages sur les ondes. Il y a la fameuse carte qu'on a mis en vigueur avec le début du 50e anniversaire, la carte spéciale 50e anniversaire à 50$, est toujours en vigueur parce qu'on est dans l'année du 50e anniversaire. L'année se poursuit jusqu'en février 2024, donc les gens peuvent devenir membres au coût de 50$. Qu'est-ce que ça donne de plus, c'est qu'à chaque mois, il va y avoir un tirage spécial pour les membres 50e anniversaire. Et bien sûr, la fameuse carte qui nous avait été demandée quand même depuis plusieurs années, la carte membre à vie à 500$. Vous devenez membre à vie de votre station préférée. Et c'est une carte qui s'est démontrée, qui est devenue très populaire au fil des mois. Hein? Oui, elle a été populaire. On a plus d'une dizaine de vendus, donc ça vous donne une idée quand même. Donc, il y a des gens qui avaient à cœur CKRL et qui se disaient, ben tant qu'à acheter notre carte de membre annuellement, pourquoi ne pas faire une carte à vie? Et c'est pour ça qu'on l'a mis en fonction dès l'an dernier avec le lancement de nos activités du 50e anniversaire. Et l'année du 50e fut aussi l'année de la création d'une nouvelle image de marque pour CKRL, Gracieuseté, des bons soins d'Atémie, de Simon Lavallée d'Atémie. Et on a aussi créé de la nouvelle marchandise. C'était demandé depuis plusieurs années. Ça faisait longtemps qu'on avait des vieilles casquettes, des vieux t-shirts. On a de la super belle marchandise à vendre et on a une belle offre pour lancer cette nouvelle saison. Oui, absolument. On a vraiment beaucoup de matériel, comme tu le mentionnes, Jean-Sébastien, que ce soit des chandails aux couleurs de CKRL de différentes couleurs avec les nouveaux logos, des casquettes, tucs, bouteilles d'eau. Donc, on a une offre à vous faire, c'est que vous passez ici à la station, vous achetez trois items, quel que soit l'item de votre choix, et ça vous coûte 50$ pour trois items ou 20$ l'item. Et on en a quand même pas mal. Donc, vous pouvez le faire, passer sur les heures de bureau du lundi au vendredi, là, entre 8h, 9h jusqu'à 18h. Dans toutes les couleurs, tous les modèles? Oui, tous les modèles, toutes les grandeurs, mais c'est sûr que si vous attendez 2-3 semaines, je suis pas sûr qu'on va avoir tous les modèles et toutes les grandeurs, mais pour l'instant, oui. Des modèles uniques qui vont devenir rétro bientôt. Un jour, peut-être. Un jour. Ouais. La vie va vite, la vie va vite. Oui, exactement. Et pour terminer, Dani, on a une invitation à lancer aux auditeurs et aux auditrices de CKRL, puisque notre page Facebook, on ne peut plus s'en servir de la même manière qu'avant, pour les raisons que vous connaissez tous. On a décidé de créer une communauté pour réussir à vous rejoindre, à recréer un lien avec vous, l'auditeur de CKRL. Oui, tu le dis bien, Jean-Sébastien. Donc, actuellement, bien sûr, comme la plupart des médias, la page officielle de notre station ne permet pas de donner de l'information sur CKRL. Donc, on a créé une communauté CKRL, communauté Facebook. Vous allez avoir l'information sur notre site Internet et également, on va faire un envoi quand même à l'ensemble de nos auditeurs et à l'ensemble de nos membres qui peuvent justement se rejoindre notre communauté pour avoir toute l'information sur la programmation de CKRL, sur les événements et sur les différentes activités. Et oui, on vous invite à venir nous rejoindre sur ce groupe. Oui, en terminant, je voudrais quand même, vu que c'est le lancement de la programmation, je voudrais remercier nos deux partenaires de ce lancement, qui est la microbrasserie Le Houblon Sportif, et également le traiteur éco-responsable Équilibre Traiteur, qui permet justement à nos producteurs aujourd'hui de se régaler, et également le Houblon Sportif, donc pour rafraîchir l'ensemble de nos producteurs. Bien, merci, Dani, d'avoir été avec nous. Bon lancement. Bonne saison. Et on va poursuivre ce sortie culturelle spéciale lancement 2023-2024 avec... Bon, ben, tu es ma co-animatrice aujourd'hui. En fait, je suis ton co-animateur. Pamela Bisson, bienvenue. Ben oui, merci. Merci de m'accueillir dans ce studio que je serai occupé pleinement dans les prochaines semaines. On va se retrouver à 16h les lundis, mardis, jeudi, vendredi pour faire un plein de culture. Un festin culturel. Oui, un festin culturel. Moi, je suis bien gourmande de tout ce qui se passe sur la scène des arts vivants, arts visuels. En fait, tout ce que la ville de Québec a à nous proposer. J'aime ne rien manquer. Ça fait plaisir d'avoir une plateforme pour partager puis recevoir aussi les gens qui animent cette belle ville en studio. Alors, on se donnera rendez-vous à 16h jusqu'à 17h30, excepté le mercredi. On se retrouve tous les jours en semaine. Absolument, c'est ça. Sortie culturelle, ça devient le nom de notre tour chaque jour sur les ondes de CKRL. On en parlera... ensemble à trois avec Jessica plus tard dans l'émission de Jessica Leb, les lundis, mardis, jeudis et vendredis en studio de 16h à 17h30. Pamela recevra les artistes de Québec et du Québec pour vous parler vraiment de la scène culturelle québécoise. Et le mercredi en direct de la Korrigane, comme ce fut le cas l'année dernière, Jessica Leb recevra en tant que sortie culturelle à la Korrigane des artistes en prestation et je vais pas voler le punch, elle viendra nous en parler plus tard dans l'émission. Pamela, puisque tu es là, et puisque tu vas rester là pendant encore un bon 2 heures, nous pouvons parler de ton autre émission, et non la moindre, Partout où on va, qui est de retour après quelques mois de pause estivale, les dimanches à 17h. Ben oui, écoute, après 5 années sans arrêt, la pause estivale, c'est bien vécu, mais on est de retour parce que ça m'a été demandé par les jeunes quand est-ce qu'on retourne en studio. On est de retour ce dimanche 17h. On va faire une rétrospective de tous les films qu'on a vus durant l'été parce qu'on est resté actif un peu quand même dans la scène culturelle. On a manqué presque aucun film qui s'adressait au grand public et aux jeunes. Et donc, on va faire un retour là-dessus et on aura peut-être quelques invités surprises déjà ce dimanche. On vous promet de belles réunions dominicales à l'heure du 5 à 7. Il faut nous écouter. Vous entendez de belles voix jeunes, éveillées, pleines d'entrain qui découvrent leur ville et qui sont contagieux de leur plaisir. Là, des invités dimanche, est-ce qu'on pourrait avoir un mini-scoop? Ben non, parce que j'ai pas de confirmation encore. Okay, je veux pas créer des attentes déçues. Puis sinon, on peut s'attendre à quoi au fil de la saison, à Partout où on va? Je sais que t'as quand même plusieurs jeunes qui sont avec toi, qui animent littéralement Partout où on va. C'est ça le concept. Et tu te trouves à l'animer avec eux? On va continuer d'aller à la rencontre des spectacles jeunes publics au Théâtre Jeunesse Les Gros Becs. On en manque presque aucun. Peut-être ceux qui s'adressent aux plus petits, on les manque de temps en temps, mais on va aller également voir ce qui s'adresse aux jeunes et à la famille dans les autres espaces de spectacle de la ville, au Diamant, au Grand Théâtre, etc. Et on va vous parler aussi de sorties littéraires. On a toujours des auteurs qui acceptent de faire des entrevues avec nous le dimanche. Donc, l'année dernière, le Machin Club, on a couvert 45 films. Donc, on n'en manque aucune sortie de film. Puis, même chose pour les sorties littéraires. Vous ne manquerez aucune information qui s'adresse au jeune public en écoutant notre émission le dimanche à 17h. Alors, je te souhaite bonne saison. Merci. Avec les jeunes du Machin Club, Pamela. Nous recevons en studio l'animateur que vous connaissez déjà, bien sûr, d'une émission maintenant légendaire sur les ondes de CKRL, Souvenir Franco, les vendredis de 14h à 16h. Jason Duval, ça va bien, Jason? Ben, je m'attendais pas à un tel accueil, mon Dieu. Je sais pas, j'étais légendaire, mais merci. Mais je crois qu'on on a parlé ensemble au lancement de la programmation d'été du fait que t'es le seul animateur que j'ai vu avoir des groupies littéralement qui venaient te voir en studio au Radioton, qui disaient « Est-ce que c'est toi en vrai et tout? » Écoute, moi et les Beatles, aucune différence, Jean-Sébastien. C'est la même chose, même chose. Mais t'as une belle voix, je peux comprendre. Je peux comprendre les femmes de vouloir savoir qui se cache derrière cette voix. Merci, Pamela. On va revenir sur Souvenir Franco dans quelques instants, ouais. Mais tu es là aussi pour annoncer l'arrivée en onde d'une nouvelle émission. En fait, c'est pas un nouveau concept pour toi. C'est un format que t'as créé il y a plusieurs mois déjà. Ouais, ben c'est un projet personnel en fait que je fais depuis 2022, donc janvier 2022. Okay. Donc ça fait quand même presque deux ans maintenant. C'est un projet de balado et merci CKRL de diffuser quelques épisodes durant cette saison-là. Ça me fait plaisir. Le balado close-up dramatique arrive sur les ondes. Donc ensemble, on va parler de vieilles actrices. Mais quand je dis vieilles actrices, c'est très très vieilles actrices. Le cinéma muet. Donc, les actrices qui avaient des beauty shots. Exactement, les signature shots et tout. Donc, on va parler de ça. Mais plein d'affaires bizarres dans ce temps-là qui est arrivé, là, des histoires mais de comme meurtre. Qui est quelle actrice? Écoute, on va parler de Marie Pickford, qui est la première star du muet. Liliane Gish, la plus tragédienne du muet. Joan Crawford, Marlene Dietrich, Greta Garbo. Donc, c'est vraiment... Je vais survoler vraiment là, les actrices de cette époque-là, des années 1910 à 1950 à peu près. Donc, je pense que ça va être bien, bien le fun. Mais qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ces actrices-là? Ben, c'est une passion que j'ai pour le cinéma, je pense. En partant, là, qui est vraiment très, très forte, mais aussi pour les histoires. J'adore les histoires, les biographies. Et comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, ben, il y a quelques secondes, en fait, là, s'il y a des histoires complètement rocambolesques, des fois des actrices qui peuvent être impliquées dans des meurtres, puis tu fais, mais comment c'est possible? Ah oui, je sais, Ada Lupino. Oui, Ada Lupino, mais aussi William Desmond Taylor, qui est une des histoires true crime les plus bizarres, parce qu'il n'y a jamais personne qui a été accusé de ça. Donc, vraiment, vraiment bizarre. Donc, j'ai vraiment très hâte de vous faire écouter ça. Donc, ça commence dimanche prochain à 20h30. Premier épisode. C'est sur qui ce premier épisode-là, Jason? Alors, si ma mémoire est bonne, c'est sur Liliane Gish. Donc, je commence avec Liliane Gish, la plus grande tragédienne du muet. Donc, pour les amoureux de l'âge d'or du cinéma et d'Hollywood, pour les amoureux de Hollywood Babylon également, ce type de contenu-là écrit par Kenneth Anger. On va revenir à Souvenir Franco. On a parlé en juin au lancement de la programmation d'été et je me pose toujours la question, je t'écoute, je suis toujours à côté de toi dans mon bureau lorsque tu animes cette grande émission qui est Souvenir Franco, mais comment trouves-tu toute cette musique-là? Je sais que tu es un collectionneur. De prime abord, c'est de la musique que tu achètes, que tu collectionnes, ce que tu nous proposes. Collectionneur et grand fouilleur. Okay. J'adore fouiller les disquaires du Vieux-Québec, de Limoilou, parce qu'il y a pas mal de bons disquaires à Limoilou. Mm-hmm. Et donc, j'adore fouiller partout. Puis des fois, là, les face B, là, c'est fabuleux qu'est-ce qu'on trouve. Une face B de 45 tours, ou encore dans les bacs à 50 cents. Moi, j'adore ce genre de disque-là, parce que parfois, il y a des compilations avec des artistes qu'on n'a jamais entendu parler. T'sais. C'est des artistes qui ont fait trois chansons de leur carrière. Oui. Donc, ça peut toujours être intéressant là, d'aller entendre, d'aller écouter ça, puis de la diffuser après ça, c'est CKRL, parce que parfois, les gens ils font « Ah oui, j'aimais ça, sa version-là, j'aimais ça, cette chanson-là. » Et ça amène, je pense, quand même une proximité avec les gens, parce que parfois, ils vont m'appeler pour me dire « Est-ce que tu aurais ça dans ton registre? » Puis je vais checker, puis si je l'ai pas, je vais tout faire pour essayer de le trouver, puis fouiller au pire. Et de la musique qui serait pas archivée sans toi? Peut-être, je sais pas. Merci. J'ai pas cette prétention de dire sûrement. Merci, mais peut-être, je sais pas. Oui, puis autre point d'intérêt, tu parles souvent dans ton émission de telle ou telle pièce qui était au palmarès en telle année. Comment fais-tu, où trouves-tu ces palmarès-là? Alors, le site de banque, BANQ, la Banque d'archives nationales du Québec, est un fabuleux réservoir d'outils pour les mélomanes comme moi, les gens passionnés par la musique, parce que tu trouves tout là-bas, là, donc, sur ce site-là, donc les palmarès. Et je tiens à dire aussi que pendant cette saison-là, je vais aller plus dans les années 50 et un peu plus dans les années 90 pour Souvenir Franco, parce que j'ai envie d'ouvrir un peu. Et tout en te souhaitant une très, très belle saison. Merci. Automne 2023, Jason Duval. Quel est ton hit rétro de l'automne? Mon hit rétro de l'automne, on y va avec un classique, Michel Richard, n'importe quelle chanson des années 60. Et merci, Jason. Merci. Et nous recevrons dans cette émission de lancement Odette Legault, qui fait son grand retour après quelques mois d'absence et avec son émission Par tous les chemins, les dimanches de 16h à 17h, juste avant Partout où on va, Pamela? Oui, et on s'est déjà croisés à quelques reprises. Vous étiez voisine de cases horaires à l'automne 2022. Oui. Odette. Bonjour. Ben, bon retour. Oui, bonjour, premièrement. Bon retour, deuxièmement. Et j'aimerais ça que tu nous expliques c'est quoi le concept de Par tous les chemins. Comment construis-tu cette émission-là en musique? Ben, Par tous les chemins, c'est en fait une sélection de musique que je puise dans un très, très large éventail de genres et dans le temps également, à partir des années 40 jusqu'à aujourd'hui. Et alors, c'est extrêmement éclectique. Mm-hmm. C'est ça, c'est vraiment large. Et aussi, ce que j'aime beaucoup, donc, c'est les mélanges des différents grands courants et aussi les déclinaisons de chacun de ces grands courants-là. Okay. Donc, c'est sûr que je vais dans le jazz, le soul, le blues, le folk, même la pop, la chanson, même le classique également. Donc, c'est ça mon champ d'action. Ensuite, bon, c'est très éclectique, c'est sûr. Ça peut paraître aussi un peu disparate, mais ce que j'ajoute, je pense, comme travail, c'est que j'essaie de regrouper par thème, en fait, chacune des émissions pour vraiment créer un climat un peu plus unifié musicalement, puis aussi aller un peu plus en profondeur dans l'ambiance que je veux créer puis partager avec les auditeurs. Donc, voilà. Et puis, mes choix musicaux, en fait, c'est vraiment, je dirais, l'émotion que me suscite la musique et l'effet que ça a sur moi, c'est ça qui fait que je choisis une musique. Donc, il n'y a aucune musique que je fais jouer qui me laisse tiède. C'est un peu intense, là. C'est des choix qui sont intenses, là, pour moi. Donc, voilà. Est-ce que les choix sont faits par thématique ou c'est par émotion? C'est les deux en même temps. C'est ça. Alors, c'est oui, puis il y a beaucoup de recherches donc derrière ça, nécessairement. Et pour vous donner un aperçu, peut-être, de la saison, donc le dimanche prochain, ça va être une émission sur Serge Gainsbourg, notamment le répertoire des années 60 que j'aime beaucoup de Serge Gainsbourg. Et on aura aussi plus tard, par exemple, des reprises jazz de pièces classiques. Okay. On aura aussi une émission sur les harmonies vocales. Et aussi, on aura une émission sur la poésie en chanson avec nos bons amis Léo Ferré et Jacques Bertin, par exemple. Et c'est ça. Voilà. Et Odette, c'est ta deuxième saison qui commencera ce dimanche sur les ondes de CKRL. Qu'est-ce qui t'a donné le goût à l'origine, donc l'année dernière, de commencer ou peut-être recommencer, je ne sais pas, à faire de la radio, à présenter ta passion pour la musique, aux auditeurs? Ah, mon Dieu, c'est, je pense que tu l'as dit, le mot c'est la passion, en fait. C'est la passion, c'est le désir d'expression, le désir du partage de la recherche musicale. C'est quelque chose que je nourrissais comme ambition depuis très, très longtemps. Et puis, mon horaire me permet maintenant de m'adonner à ça. Puis c'est un plaisir immense aussi de faire de la recherche musicale, vraiment, là. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, je me tanne jamais. Et puis, c'est ça. C'est très stimulant aussi, hein, nécessairement, la radio, là. Et je vais amener les auditeurs et les auditrices avec nous dans l'envers du décor, derrière le décor. Nous sommes ensemble dans le comité de programmation de CKRL. Le fait d'écouter les autres émissions, bon, on les écoute en tant qu'auditeur-auditrice, mais l'écouter avec un point de vue analytique, est-ce que ça enrichit ta manière de préparer ton émission, de voir certaines émissions musicales se font de manière plus mosaïque, d'autres de manière plus thématique? Est-ce que ça a apporté quelque chose à ta démarche? Ben, je pense que ça m'aide à me positionner, en fait, puis peut-être à voir ma différence par rapport aux autres, je pense. Puis c'est certain que sur le plan de l'animation et de la technique aussi, ça me sensibilise à certaines choses aussi, c'est certain. Mais c'est un enrichissement. De toute façon, l'écoute active, là, mm-hmm. c'est quelque chose de passionnant aussi. Là. Mm. Bon, mais Odette, merci d'avoir été avec nous. Je te souhaite une super belle saison d'automne 2023. Ça commence, par tous les chemins, ça commence ce dimanche dès 16h. Donc, soyez à l'écoute. Alors, on dirait presque que c'est merci prévu, hein? Partout les chemins, oui. Partout où on va. Ben oui. C'est ça, c'est bon. Merci infiniment. Merci. On va poursuivre, Pamela, avec oui. Quelques émissions de la grille horaire par des animateurs et des animatrices qui ne seront malheureusement pas avec nous en studio aujourd'hui, mais qu'on tient à vous présenter parce que c'est une super belle grille et ce serait plate d'en oublier. Je sais que c'est un feu roulant cette émission-là et souvent on vient à manquer de temps. Donc on a une petite fenêtre ici pour parler des émissions à l'horaire. Caroline va peut-être se joindre à nous plus tard dans l'émission, mais je tiens à le souligner, en semaine de 7h à 9h, ne manquez pas, de grâce, les matins éphémères, notre matinale. Donc, c'est une émission d'actualité politique, sociale, culturelle également, jusqu'à un certain point, menée de main de maître par Caroline Stephenson depuis plusieurs années. Ah, elle est ici! Ah! Bon, hey! C'est la magie du direct. La voilà. Mais j'entendais parler de moi. Bonjour, Pamela. Allô, Caroline. Bonjour. Bonjour, Caroline. Tu parlais bien de moi. J'étais là. J'étais prête. Je... Bonjour. Donc, depuis ce matin que je suis là dans la station. Donc, parlons-en de main de maître de cette émission, oui. les matins éphémères. Ben oui. 10 ans, c'est ça, je suis en train d'écrire une auto-promo, là, je me disais, ça fait 10 ans cette année. Ah, bravo! Ben oui, avec toute mon équipe qui est presque là depuis, pas tout le monde, là, mais une équipe, pour certains, là, certaines sont là depuis 10 ans aussi. Et puis, comment on souligne ça, un 10e? Ben, c'est ça que j'étais en train de réfléchir. Okay. Là, je me disais, il faudrait qu'on souligne ça de belle façon. Un gâteau à chaque semaine. Il y a déjà des dégustations le 20, le vendredi, ça fait que... Oui, ben c'est pas tout le monde qui en profite, mais en tout cas, on va essayer de trouver une façon de les souligner puis de remercier tous ces bénévoles qui travaillent pour l'émission puis qui transmettent leur passion, mm-hmm. vraiment, parce que c'est des gens qui sont là, c'est des passionnés, ça, je sortais des mots tantôt, puis je me disais, ben dans tous les domaines, là, ben oui. à la fois, ben, on parlait de vin, il y a un chroniqueur vin, mais de façon plus sérieuse, Jean-François Arthaud nous parle d'actualité, Pierre Blais nous parle de cinéma, on parle de santé, on a parlé d'éducation ce matin avec Caroline Simard, mais on parle de différents sujets, on va parler de numérique avec Raymond Poirier, on parle de la quête. Et là, j'ai peur d'en oublier, il y en a beaucoup, hein? Il y en a quelques-uns non, par mais jour. Non, mais je comprends ce que tu dis, quand on anime, je l'ai fait un peu, hein, je t'ai remplacé des fois, mais quand on anime l'émission du matin, on a comme les antennes ouvertes sur tout ce qui se passe dans la ville. Ça, j'ai adoré ça. Eh oui, ben je m'intéresse un peu à tout. Fait que c'est une émission ben, qui j'ai façonné à ma façon en disant on parle d'astrophysique aussi, même, puis des planètes. On parle ben, c'est ça, de psychologie, de philosophie. Et c'est une émission que j'aime beaucoup. Puis je pense que mes collaborateurs aussi. Bon, enfin, je dis ça, puis... C'est les collaborateurs qui font l'émission, là. Je ne sais plus à qui parler. Si je parle à Jean-Sébastien ou à toi, Pamela. Les deux. Ah ben oui, c'est une belle discussion. Et donc, vous... on va faire la... Est-ce qu'il y a des nouveaux chroniqueurs? Oui, moi, je termine la journée. Est-ce que tu as des nouveaux chroniqueurs dans ton rencontre... équipe? Oui, quelques-uns. Puis j'en rencontre une demain, une nouvelle qui se joint à nous. Il y a des nouveaux... ancien chroniqueur comme Robert Boisclair, qui n'est pas un nouveau, mais qui s'est joint à l'équipe du matin. Robert Boisclair qui va nous parler théâtre à l'émission. Donc, et puis là, je sais que j'en oublie, mais en tout cas, oui, ça circule quand même. Il y a des nouveaux collaborateurs. Mais on n'en perd pas beaucoup, il faut que je trouve de la place. J'avais une question plus que classique par rapport à une émission du matin, c'est-à-dire, quelle est ta routine d'animatrice du matin pour animer cette émission-là, les matins éphémères, faut logiquement se lever avant le soleil chaque matin, faire ta recherche, ta revue de presse. Comment? Quelle est la journée classique de Dominique? Caroline Stephenson. Je me réveille. Ben là, les journées rapetissent. Fait qu'effectivement, je vais me réveiller à la noirceur vers 5h15, 5h30. Mon linge est placé. Okay. Je sais ce que je me mets le matin, il faut que ça, on gagne du temps là-dessus. J'arrive à la station vers 6 heures du matin, un peu avant, et puis là, je fais ma revue de presse. Des fois, puis je fais les grands titres, là, hein, je le spécifie, je suis pas journaliste, alors je feuillette les journaux, je regarde les grands titres, et puis je me prépare aussi les derniers courriels qui auraient peut-être rentré tard le soir, mais je me suis endormie trop tôt, fait que j'ai pas pris. Alors, je finalise ma feuille de route le matin pour rentrer en onde avec un bon café que j'ai pris avant aussi, là, mais ça ressemble à ça. Mais c'est vrai que c'est... Là, de plus en plus, on va se lever tôt. Là, je vais me lever tôt. Je me lève à la même heure, mais il va faire de plus en plus noir. Et en quelques secondes, qu'est-ce qui est à surveiller cet automne dans l'actualité et qu'on va pouvoir découvrir en profondeur aux matins éphémères? Ah! On a l'élection dans Jean Talon, l'élection partielle. Oui, la circonscription. On va regarder ça avec Jean-François dans l'édition Accès Pouvoir, la rentrée cinématographique et le festival des films qui s'en vient. Mm-hmm. On va regarder ça avec Pierre Blais. On va suivre la COVID avec le docteur Drouin et j'en passe. Mais merci Caroline Stephenson d'avoir été avec nous. On vous invite à sintoniser les autres, ben CKRL pour les matins éphémères en semaine de 7h à 9h. Donc voilà. Oui, Caroline, salut tous tes gentils chroniqueurs oui, et chroniqueuses. Te salue aussi. On leur fait un grand câlin pour ces 10 années d'investissement de temps. Oui. Merci à vous, bonne continuité. On continue avec une autre émission? Je crois que oui. On me fait signe que oui. Il n'y a pas de pause. Oui, je m'attendais. On continue. C'est un feu roulant. C'est un feu roulant, oui. En avant-midi, et ça, c'est un peu plus variable. En semaine, on vous propose en musique francophone, l'émission Univers francophone. C'est du lundi au jeudi à partir de 9h, sauf le mardi et le jeudi, où ça laisse sa place à deux émissions, deux magazines distincts. Nous en parlerons plus tard dans l'émission, mais Midi Jazz, bien sûr, une grande tradition en musique de CKRL et de retour pour l'automne avec son équipe entière, c'est-à-dire tous les animateurs qui étaient présents à l'hiver et à l'automne dernier seront de retour. Denis Lelièvre, qui présente une édition un petit peu plus axée sur le dialogue, l'entrevue avec des musiciens, des artisans du jazz. C'est le lundi, le mardi, c'est Gilles Chaumel qui propose sa vision du jazz. Jacques Bégin, le mercredi, Paul Trébani, qui nous parlera plus tard dans l'émission. Et Hubert Tremblay, nouveauté cette année, Hubert Tremblay, un des pionniers à l'animation de CKRL est là depuis les tout débuts, sera à temps plein le vendredi à Midi Jazz. Il fera l'année dernière, c'était une semaine sur deux entre Hubert Tremblay et Jacques Bégin. Cette année, Hubert animera chaque vendredi de midi à 14h. La Voix est libre, ce sera présenté les lundis et les mercredis de 14h à 16h par l'incontournable Suzanne Castonguay, en musique locale, surtout francophone, mais quelques pièces anglophones également. On fait signe qu'on doit passer en courte pub, donc vous écoutez Sortie culturelle, édition lancement automne 2023 avec Jean-Sébastien Doré et Pamela Bisson. Sortie culturelle. Êtes-vous prêt à vivre de nouvelles expériences? Les inscriptions aux activités de la programmation automne 2023 du Centre Monseigneur Marcoux sont en cours. Notre programmation offre une variété de plus de 40 activités culturelles, artistiques et sportives pour tous les âges. Pour plus de détails et vous inscrire, visitez notre site Internet au www.centremonseigneurmarcoux.com ou téléphonez-nous au 418-661-7766, poste 221. Faites vite! La session débute le 18 septembre. À Télé-Québec, vivez un automne... Attache ta tuque avec la broche, parce que ça va brasser tout à l'heure. Hors de l'ordinaire. Oh! Audacieux. Oh, mon Dieu, x4. Déconcertant. Mais voyons! Ouvre les yeux, prends des grandes respirations. Je t'étourdis. À Télé-Québec, vivez un automne pleinement assumé. Je suis complètement déstabilisé. Faut que je me calme. Un automne... Wow! ...que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Je trouve ça fou, raide. Vivez l'expérience. À longueur de semaine! À Télé-Québec. Alimentex, la première épicerie naturelle à Québec depuis 1969. Vous y trouverez des aliments biologiques, des produits de santé naturels sous forme de tisanes, crèmes et extraits de toutes sortes. Alimentex, c'est aussi tout ce dont vous avez besoin pour vos recettes. Des spécialistes sont sur place pour vous conseiller. Avant d'aller ailleurs, passez chez Alimentex, c'est la référence à Québec. Pour des conseils de santé, prenez rendez-vous avec notre naturopathe. De plus, Alimentex offre 10 % de rabais le premier mercredi du mois sur tous les produits à prix régulier en magasin. Alimentex, ça vaut le déplacement. Coin 1ère avenue et 12e rue à Limoilou ou alimentex.ca. L'action ne manque pas au cinéma Le Cap Sainte-Foy et de Loretteville. Surveillez les nouveautés, les classiques et les films québécois. Présentement à l'affiche. Après la Romaine, Barbie, Le Ciel Rouge, Indiana Jones et le cadran de la destinée, Mission Impossible et Bilan Mortel première partie, La Montagne, Oppenheimer, Psychopass, Providence et Le Temps d'un été. Consultez la programmation en cours sur leclap.ca. Bon cinéma! Vous cherchez une charcuterie artisanale qui propose des produits de qualité exceptionnels? Alors ne cherchez plus. Venez découvrir le Pied Bleu. Le Pied Bleu, c'est avant tout un bar à charcuterie spécialisé en charcuterie cuite qui produit un boudin digne d'une appellation d'origine contrôlée. Le Pied Bleu vous offre également des plateaux de fromage et de charcuterie pour vos événements, pique-niques ou réceptions. N'hésitez pas à nous appeler au 88 914 35 54. Le Pied Bleu, la convivialité et l'authenticité en toute simplicité. CKRL 89. Vous écoutez Sortie culturelle spéciale rentrée sur les ondes de CKRL. Pamela Bisson, Jean-Sébastien Doré avec vous pour vous accompagner jusqu'à 18h. On fait le tour de fond en comble de cette belle programmation. Et là, on a avec nous en studio un habitué, quelqu'un qui nous a fait danser tout l'été. En tout cas, peut-être vous êtes allé à sa rencontre. Maxence est avec nous pour nous parler de Cap Estrade. Allô Pamela. Allô Jean-Sébastien. Allô Simon derrière la console aussi, qu'on n'oublie pas. Alors, tu es de retour cette année avec toute une équipe? Oui, une nouvelle équipe. Il y a des gens qui ont marqué Cap Estrade, qui sont restés pendant plusieurs années. Je pense à Liettremont, qui a fait des émissions très poétiques, très sensibles aussi. Jean-Pierre, qui était aussi un pilier de l'émission après des dizaines d'années. Je sais même plus quand est-ce que ça a commencé, Cap Estrade. Je sais plus si je tenais ou pas, c'est pas important. Mais oui, c'est ça. Donc, ces deux équipes-là vont prendre une pause pour le moment. Ça donne une occasion de renouveler l'équipe. Donc, on est allé chercher Rosalie Bocage, qui était déjà une habituée du studio parce qu'elle faisait la mise en onde de Marie-Claude Pellerin, qui, elle, demeure avec nous pour la saison d'automne. Et il y a aussi Bernard Crustin, qui a manifester son intérêt. Bernard, lui, c'est le responsable du Cercle de contes de Québec. Quand je pense à Cap Estrade, des fois, je le dis en début d'émission, c'est une émission qui est consacrée aux arts traditionnels, musique, danse, chanson, artisanat, conte. Mais bien honnêtement, à la radio, souvent, ça se limite beaucoup à la chanson, la musique, et des fois, on parle de danse. Donc là, d'avoir un conteur dans l'équipe, je suis très content que Bernard Crustin se joigne à nous. Donc, ça va être une nouvelle aventure. Il va raconter de ses histoires ou il va animer? Il va animer. Je crois qu'il y aura de la musique traditionnelle. Ça, c'est sûr que... D'abord, une émission de radio, pour moi, ça prend de la musique. Puis Cap Estrade, c'est sûr, ça va être de la musique traditionnelle. Sinon, je le renvoie dans la soirée. Mais oui, je ne sais pas s'il va lui-même faire des contes. Peut-être. Est-ce qu'il va aussi diffuser des contes qui ont déjà été enregistrés? Je vous avoue que c'est un peu tabou dans le milieu des conteurs, les contes à la radio, parce que c'est facilement récupérable. Ben oui, tu peux brûler ton conte, ouais, d'une façon. Donc, si tout le monde va le chercher, des professeurs, par exemple, qui disent « Ah, on l'a déjà entendu ton conte, je l'ai téléchargé », puis là, tu arrives dans une classe pour raconter le conte, puis ils l'ont tout déjà entendu. C'est comme les humoristes qui font leurs blagues dans les talk shows, et puis là, tu n'as plus envie d'aller voir leur spectacle. Ça se comprend. C'est ça. Alors, ben quand même, il aura cette capacité de raconter pareil. Il va être un bon orateur. Oh oui. Écoute, moi, quand j'étais jeune, je voulais devenir conteur. Puis finalement, je suis devenu animateur radio. Puis bien honnêtement, il n'y a pas des grandes différences. Arrête, tu fais pas là. Juste ça quand même. Là. Non, je n'ai fait bien des affaires. Et bye-bye. Mais on va te revoir aussi en chroniqueur. On va t'entendre à sortie culturelle de temps en temps. Oui. Ben là, on s'est dit les mardis, mais c'est tout dépendant comment la vie est occupée. Peut-être que des fois, ça va et changer. Et votre programmation toujours aussi. S'en passe des choses dans la Mon Dieu, oui, pour préciser, moi, je suis coordonnateur, mon nouveau titre d'ailleurs, au Centre de valorisation du patrimoine vivant Estrade. On organise beaucoup d'événements. Là, aujourd'hui, c'est les Journées de la culture qui viennent d'être annoncées, la programmation, puis on en fait deux sets là-dedans. Fait que deux sets de Journées de la culture en même temps. Il y aura aussi notre festival qui est déjà dans moins d'un mois. Mon Dieu, quand je dis ça, je stresse. C'est au domaine Mézeray. Oui, au domaine Mézeray, ça va être les rendez-vous estrade du 6 au 9 octobre, donc la fin de semaine de l'Action de grâce, des spectacles, bain de la danse, des trucs pour toute la famille, de la bonne bière. Je pense que ça va être le fun, tout ça. Oui, oui, oui, oui, oui. Puis on manquera jamais d'être informé de tout ça parce que tu es présent le dimanche avec oui. Cap Estrade, puis de temps en temps, tu vas passer nous voir à Sortie culturelle. Exactement. Vous n'allez rien manquer de ça. Et puis de temps en temps avec un violon? Ah, oh, j'ai jamais joué de violon en studio. Non, je pensais que tu avais fait ça au radio. J'ai déjà joué. Oui, c'est vrai, non, au radioton. J'ai joué de la guitare. La guitare c'est Martin vrai. Qui était au violon. On avait fait une danse en studio pour le radioton. Par contre, cet été, à la Alte Trad, je me suis permis d'accompagner David Brunel qui était venu rendre visite, qui avait joué du violon. Donc, je faisais un petit bel album de moi-même. Puis, je faisais des instruments avec des artistes en studio. C'est toujours le fun. Et musicalement, on a déjà parlé ensemble du fait que la musique traditionnelle, ça peut aller n'importe où. Il y a du psychédélique, trad. Tu m'as parlé de choses un petit peu plus inusitées comme ça. Oui. Et toi, c'est donc très varié ce que tu proposes aux auditeurs de CKRL à Cap Estrade. Quels sont les styles musicaux associés au trad? L'important, c'est que ça fête bien pour un dimanche midi. Moi, j'allais dire mes préférés que Rosalie et Bernard, eux, apportent pour, à la table. Pour en savoir plus, je vous dirais écoutez Cap Estrade tous les dimanches de midi à 13h sur les ondes de CKRL. Dès le 17 septembre. Dès le 17. Merci Maxence Poteau d'avoir été avec nous et merci pour la Halte Trad que tu as animée tout l'été. Excellente émission. Nous avons au bout de la ligne un animateur légendaire de CKRL, je crois bien. Hein, on l'entend. Jean-Sébastien Grondin. Salut Jean-Sébastien. Salut Jean-Sébastien Doré, comment vas-tu? Ça va très bien. Salut Pamela. Salut Jean-Sébastien. As-tu mis des boucles dans tes cheveux? Non. Ah, parce que ça s'entend. Ah? Ça s'entend jusqu'ici qu'elle a des boucles dans les cheveux. Non, il y a peut-être quelque chose. On a plein de gens en studio ce soir. Il y a un petit peu plus de mouvement, c'est peut-être ça. OK. Donc, pourquoi vous m'appelez, là? On t'appelle puisque nous lançons la programmation automne 2023 hiver 2024 de CKRL, bien sûr. Mais non, c'est pas vrai, c'est un coup de téléphone. C'est quoi, c'est ça exactement. On voulait parler avec toi de Messieurs Dynamite, émission, je dis légendaire souvent, mais je pense que c'est le cas. Ça peut être légendaire là, si tu veux, parce que je pense dans deux ou trois saisons, ça va être la 20e anniversaire de cette émission qui a été initiée par Jean-Baptiste Duvigneault et Goulvendi. Je pense que c'est aux alentours de 2004-2005. En tout cas, faudrait retrouver dans les archives. Et moi, j'ai pris la barre de cette émission-là. Depuis quelques années, j'ai collaboré, j'ai fait leur saison estivale, celui qui était en vacances. Et puis, j'ai repris la barre avec des co-animateurs depuis quelques années. 3-4 saisons maintenant. On a même passé au travers la pandémie, des émissions en pré-enregistrées. Et puis là, on est retour en direct. On est bien content puisqu'on essaie d'élaborer et commencer de bonne augure les vendredis. C'est de 18h à 20h. Donc, on met du groove dans votre fin de semaine. Ça part et ensuite le blues enchaîne le métal. Et c'est assurément une émission à réécouter en balado-diffusion n'importe quand au courant du week-end et même un autre moment dans la semaine. Peux-tu nous présenter tes co-animateurs? Est-ce que c'est les mêmes qui étaient présents à l'hiver 23? Écoute, je peux vous garantir la participation de Christian Lavoie. Christian Lavoie, qui est un de mes amis à moi, un mélomane averti. C'est une personne qui... écoutez bien ce que je vous dis là, les auditeurs de CKRL, parce que c'est un gars qui a toujours voulu faire de la radio. Et je l'ai pris sous mon aile et je lui ai présenté les directeurs de programmation à l'époque. Et il est entré par la grande porte et il est là pour rester, je crois, encore de nombreuses années avec nous. Et c'est un passionné de musique, un passionné de recherche musicale. C'est quelqu'un que... Moi, je connais la musique, mais je pense que c'est toujours plaisant d'avoir un type d'alter ego qui en connaît encore plus. Et Christian Lavoie, j'admire ces gars-là parce que c'est une belle combinaison avec moi. Pour les autres, je pense qu'on va se laisser une petite porte peut-être à des collaborations spéciales. OK. Donc, je me compromettrai pas à dire qui ou quand ou quoi. Mais je sais qu'on va garder ces surprises-là pour un vendredi quelconque au courant de l'automne pour ramener peut-être un ancien animateur ou peut-être une collaboration spéciale avec quelqu'un, une voix que vous avez peut-être oubliée. Ben oui, dans le cadre du Radioton 2023, tu as présenté une édition anniversaire à plusieurs niveaux de Messieurs Dynamite. C'était ton anniversaire, mais c'était également une manière de rassembler les animateurs de différentes époques de Messieurs Dynamite. Est-ce que certains de ces anciens animateurs-là vont peut-être revenir au fil de la saison? Ben, je pense à Jean-Claude. On est un monsieur un jour et on est monsieur toujours avec nous, puisqu'on partage la même passion, c'est-à-dire la passion du funk, du groove, du hip-hop, du soul. Même des fois, on a des petites incursions dans le reggae, dans le dub. Toute la musique qui est un peu avec aux accents de racines, des accents afro-américains, les accents avec ce côté de l'héritage, de la grande héritage de la musique africaine. Et même un peu à travers le globe de toutes sortes de musiques du monde. Alors, en autant que ça groove, en autant qu'on a une belle dynamique entre animateurs, moi, je pense que ces gens-là sont toujours les bienvenus à collaborer avec nous chez Monsieur Dynamite. Donc, Monsieur Dynamite, une super belle manière de lancer le week-end, le vendredi de 18h à 20h. Et est-ce qu'on peut parler quelques secondes de l'autoroute qui reprend, bien sûr, les samedis à 23h? Je sais que Stéphane sera pas présent avec nous pour en parler pendant ce lancement. Donc, mais tu seras de retour avec Olivier Lantier à la co-animation de cette émission, une grande tradition de CKRL, l'autoroute. C'était avec une grande fierté que l'année dernière, on avait accepté de relever ce défi-là, de faire de cette émission-là. Moi et Olivier, c'est le plus vieux souvenir qu'on a de CKRL, c'était l'autoroute. On avait genre 16, 17, 18 ans, et puis on appelait les animateurs à l'époque, et même je crois que c'était Stéphane Villeneuve. On l'appelait à l'époque. On parle d'ici, ça fait environ presque 25 ans de ça, là, et plus. Et puis, c'est une émission qui nous rejoignait au niveau des choix musicaux. C'est un rendez-vous de musique progressive, musique des années 60-70, un peu psychédélique. C'est l'endroit incroyable où on entend des groupes tels que Gong, King Crimson, Pink Floyd, des incontournables de la musique des années 70. Et même des fois, on redécouvre nos vieux classiques. Hey, oui, c'est vrai, j'avais oublié cette chanson-là. Et nous, ben, on carbure avec des demandes spéciales le soir même lorsqu'on est en direct. Et on va se permettre aussi d'avoir une petite pause. Deux fois par mois, il va y avoir la formule préenregistrée. Donc, moi et Stéphane, on va vous offrir des programmes préenregistrés pour l'autoroute. Mais deux fois par mois, il va y avoir assurément des animateurs en nombre pour prendre vos demandes spéciales au 640-1586 ou sur notre page Facebook L'Autoroute. Je vous invite à aller aimer parce que cette page-là est très active. On a un webmestre qui est quand même une sommité au niveau de l'histoire du rock. À chaque jour, il y a au moins 2-3 trucs qui sont postés, qui sont publiés sur cette page Facebook de l'Autoroute. Et c'est très, très, très riche en connaissances et en suggestions musicales qui fit exactement dans le répertoire de cette émission-là. Une grande émission, un classique de tous les âges, l'Autoroute à CKRL. Donc l'Autoroute dans la nuit de samedi à dimanche, à partir de 23h. Soyez à l'écoute. Merci Jean-Sébastien d'avoir été là. Et bon, je te souhaite une super belle saison. Puis, bonne saison! Sont vraiment beaux tes cheveux à radio, Pamela. Incroyable! Et là, on poursuit, nous, en studio, on a une recrue qui est avec nous, Rosine, qui va prendre les ondes le samedi avec une émission qui s'intitule simplement, d'ailleurs, Rosine, que je connais grâce au Mondo Carnaval. Oui, effectivement, c'est croisé au Mondo Carnaval, c'est vrai. Bonjour, Rosine. Bonjour, le monde est petit, vraiment. Oui, bien, très heureuse de te voir ici avec nous pour que tu nous proposes ton émission. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir entendre à Simplement d'ailleurs? J'imagine la musique qui vient de partout. Effectivement, on va pouvoir entendre la musique qui vient de partout, partout ailleurs, bien sûr. Écoutez, ce sera un beau voyage culturel en Amérique latine avec un collègue, Rodrigo Rodriguez, qui n'est pas là aujourd'hui. En Afrique, on va avoir Moïse Premier. On va vraiment faire le tour de l'Afrique du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest. Ici au Québec, on n'a pas oublié cet espace-ci qui est le nôtre. On va avoir un jeune qui étudie au Cégep, qui s'appelle Danny Hero, qui fait beaucoup dans l'hip-hop et dans l'afrobeat. Donc, il va être l'un de nos chroniqueurs. On n'oublie pas la Guadeloupe et les Martiniques, où on va avoir aussi des correspondants. Donc, on va vraiment faire un véritable tour du monde partout ailleurs, parce qu'on pense que cette culture-là que nous amenons ici, parce que moi, je suis une immigrante, lorsque nous arrivons ici avec cette culture-là, elle s'associe à la culture québécoise et canadienne, et elle enrichit la scène artistique canadienne. Donc, notre objectif, vraiment, c'est de promouvoir la culture canadienne qui, aujourd'hui, est multiple, diverse. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la production d'une émission cette année? Ben, ce qui m'a poussé à me lancer dans la production de l'émission cette année, c'est que j'ai pensé qu'il y avait un manque. Vous savez, lorsqu'on finit Talent d'Afrique, lorsqu'on finit Mondo Carnaval, ces artistes-là, ces découvertes-là, on les voit plus. Moi, j'avais le goût de les faire revenir à la radio pour qu'on parle d'eux, pour qu'on parle de leur musique, pour qu'on en sache un peu plus sur ces personnes-là, qu'on puisse voir leur cheminement, parce que demain, comme je l'ai mentionné dans mon propos introductif, ces gens-là vont encore enrichir notre scène. On veut pas les perdre. On veut pas juste les découvrir et ne plus les voir disparaître quelques temps après. Et est-ce que l'émission de samedi, on peut avoir un petit indice de ce qui s'en vient? Ben, samedi, nous allons commencer d'abord par ce qu'on appelle l'actualité culturelle dans la diversité, dont on va revenir rapidement sur le Mondo. On va revenir sur les grands gagnants de talent d'Afrique. Et naturellement, on va parler du bal en blanc, la diversité, parce qu'il y a eu un artiste camerounais qui est comme un parrain du Makossa. Le Makossa, c'est un style musical camerounais. Des gens qui habitent Douala, Yaoundé, connaissent très bien le Makossa. Fait que on va revenir là-dessus. On va vous faire écouter cette musique-là en français, s'il vous plaît. Et on espère que la population, les gens vont aimer, qui vont bien accueillir notre émission. On va vraiment avoir du plaisir. C'est une émission légère, qui se veut familiale, qui se veut récréative, mais qui se veut aussi éducative. Et qui va donner envie de danser, peut-être. On va danser en studio, ça c'est certain. Merci, Rosine. Merci. Bonne saison. Merci d'être là. Oui, donc simplement d'ailleurs, c'est les samedis à 15h, de 15h à 16h sur les ondes de CKRL. Nous recevons maintenant en studio, dans le cadre de ce lancement de la programmation automne 2023 de CKRL, les animateurs de Cartes du Monde. Oui, bonjour! Ben, Emmanuel Doprado, ben, c'est Dominique, ça, parce que là, Dominique est là, mais je crois qu'on a seulement un micro. Donc je vais être le porte-parole, mais si Dom, tu veux parler, n'hésite pas à me voler le micro. Oui, je vais le faire. Ben oui, magazine indispensable sur les ondes de CKRL. Pour une deuxième saison d'affilée, sera présenté le mardi en avant-midi de 9h à 10h et en rediffusion les samedis de 14h à 15h. Exactement. Vraiment, je pense que je vous ai posé la même question au début du mois de juin, mais qu'est-ce qui vous a donné le goût de couvrir l'actualité internationale? C'est quand même un giga gros mandat chaque semaine comme ça, là. Ouais, ben c'est que... Surtout que maintenant, on ne peut plus voir les nouvelles sur Facebook. Où est-ce que vous allez chercher vos informations? Comment exactement, vous faites? Ben là, on était complètement perdus quand ça s'est arrivé. Mais non, sans blague, nous... ben en fait, moi, j'étais chroniqueur avant aux Matins éphémères. Okay. Puis j'ai commencé à faire des chroniques sur l'actualité internationale. C'est vraiment ça qui me plaisait. À l'université aussi, j'ai étudié en relations internationales. Donc, c'était comme un sujet qui me passionnait beaucoup. Puis à CKRL, ben justement, ça a donné qu'il n'y avait pas une émission du genre. Mmh. Donc, moi puis mon ami Dominique, on a sauté sur l'occasion de partir une émission comme ça. Et comment vous faites pour choisir vos sujets? Est-ce que c'est vraiment parce ce qui se passe là dans la semaine, ou des fois vous les prévoyez un petit peu plus à l'avance parce que vous avez envie d'aborder un sujet en particulier? On essaie de traiter des sujets qui sont moins... dont on parle moins dans les médias en général, on va dire, puis d'expliquer en plus en profondeur les crises qui peuvent arriver ou des situations sociales dans le monde qui peuvent se passer aussi. Puis j'invite beaucoup des étudiants, des amis à moi à la maîtrise ou au baccalauréat qui viennent parler, vraiment, je leur donne carte blanche, ils viennent parler de ce qui leur plaise. Puis souvent c'est sous forme de podcast un peu, dans le sens où est-ce que on fait des entrevues parfois de une heure, de une demi-heure, on prend vraiment le temps de bien expliquer ce qu'on veut, ce qui nous intéresse finalement. Et puis tu nous parlais de quelques chroniqueurs ou chroniqueuses qui seront de passage à l'émission dans les prochaines semaines? Anthony Gagnon, donc oui. Il est à la maîtrise en sécurité internationale à l'Université Laval. On adore ça l'avoir en studio parce que, justement, il y a toujours des sujets très étoffés, puis c'est avec lui d'ailleurs qu'on parle des fois pendant une heure d'un seul et même sujet, okay. Mais on pourrait en parler comme... 3 jours de suite, je pense, on aurait toujours des choses à dire, là. Donc c'est assez intéressant. Sinon, on a Sarah Kate Dallaire aussi qui vient souvent parler d'espace, les enjeux liés à l'espace, qui est une réalité de plus en plus présente aujourd'hui. Puis parfois aussi, j'invite des professeurs à moi qui viennent parler de leur thèse de doctorat parfois, ou d'un sujet encore une fois pendant une heure qu'on développe à l'émission. Et quels sont les thèmes à surveiller, les événements à surveiller au cours de l'automne 2023? Nous, ben évidemment, on avait dit ça aussi l'été passé, ouais. Mais la guerre en Ukraine, on en parle souvent à l'émission. On parle aussi beaucoup de démographie, avec l'Inde qui vient de devenir en 2023 là, le pays le plus avec la plus grande population au monde. Donc, on parle des enjeux comme ça, d'immigration aussi, des problèmes sociaux qui sévissent dans le monde. On parle aussi, on va parler demain d'ailleurs d'Amérique latine, un petit peu au Brésil, donc des situations sociales qui se passent là-bas. Un continent qu'on oublie parfois, mais qui est très important quand même. Et petite question classique en quelques instants, une question classique d'études en communication, en journalisme, c'est quelles sont vos sources privilégiées d'informations? Ah, c'est une bonne question. Où est-ce question. Que vous informez pour préparer l'émission? Moi, personnellement, j'aime beaucoup le journal Le Monde, oui. Qui est un journal français international. Mm-hmm. Je trouve ça très pertinent, ce qu'ils font. Aussi, j'aime beaucoup la chaîne américaine Vox, qui fait des courts documentaires. C'est une chaîne plus de gauche, là, qui parle beaucoup de problèmes sociaux, mais j'adore ce qu'ils font. Puis je m'inspire beaucoup des documentaires qu'ils font pour ensuite faire des chroniques moi-même, ou souvent je laisse aussi mes chroniqueurs apporter des livres sur des sujets, puis ils viennent en parler aussi parfois à l'émission. Et j'ai posé la question en juin, mais est-ce que la chronique inusitée de Dominique sera de retour? Ben, je vais laisser Dominique en parler. Oui, absolument. Ma chronique va être de retour et j'en profite pour faire un pont avec la question précédente. En fait, pour trouver des chroniques inusitées, c'est quand même assez facile. Là. Il y en a beaucoup, mais elles sont généralement peu intéressantes ou très, très en surface. Donc, c'est intéressant. Je me suis appliqué là-dedans plus pendant la saison cet été, de trouver un sujet inusité, mais qui entraîne ou qui provient d'éléments plus gros, plus spécifiques. Comme par exemple, j'avais parlé qu'il y avait eu des cas de recensement d'extraterrestres au Pérou, mais en fait c'était à cause des cartels de la mafia qui venaient exploiter de l'or dans des petits villages et qui voulaient effrayer les habitants. Oui. Donc finalement, sous la nouvelle inusité, ben, il y a une nouvelle plus large, plus importante, plus dramatique des fois aussi. Ouais, c'est ça, ça a été vraiment intéressant. Moi, je me rappelle aussi du monstre du Loch Ness. On en parlait aussi beaucoup à l'émission. C'est un rendez-vous, donc, les mardis, demain matin, à partir de 9h, de 9h à 10h, Carte du Monde. Merci, Emmanuel et Dominique, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Je vous souhaite une super belle saison. Merci. Au revoir. C'est en rediffusion le samedi, encore une fois, de 14h à 15h. Si vous manquez cette émission incontournable en direct le mardi, on reçoit avec nous en studio deux animateurs de l'émission Illusion auditive, Jean-François Lamarre et Jacques Dulac. Bonjour. Bonjour messieurs. Salut, ça va bien? Merci d'être avec nous. Bien, merci de l'invitation. Les Illusions auditives, ça fait combien de saisons que vous animez, que vous proposez cette superbe émission-là? En tout et tout, ça fait 23 ans cette année que l'émission existe. Ici, ça fait 13 ans. On est ici, okay. On a fait 10 ans ailleurs, mais on a gardé le même nom d'émission, pas mal le même concept, même si ça a comme évolué avec les années. Et vous êtes toujours la même équipe, essentiellement? Non. Non, OK. Il y avait, au départ, il y avait Mélissa Galipo. En cours de route, il y a eu Vincent Delisle, mm-hmm. qui est décédé l'an dernier, qui a tenu la route. Il a tenu vraiment le fort. Et il y en a eu d'autres animateurs. Éventuellement, je pense qu'en 2025, je prévois peut-être faire une émission spéciale anniversaire de l'autoroute. j'ai tellement fait d'émissions de Les Illusions auditives. À quoi peut s'attendre un auditeur ou une auditrice des Illusions auditives en termes de propositions musicales? Ben, c'est le rock sous toutes ses formes. Et autant dans les années 60, 70, et aussi tout ce qui se fait de récent aussi. Si on pense à des groupes comme Greta Van Fleet ou Crownlands, qui ont une grande place dans l'émission Les Illusions auditives. On se tient au courant aussi un petit peu des grands départs, là, comme récemment, il y a eu Robbie Robertson. Là, il y a eu droit à une heure d'émission, qui parlait de band avec Dylan, mais aussi sa carrière solo. Il y a aussi Sinéad O'Connor. Donc, on souligne les départs là, de ces grands artistes là, qu'on a tant admirés. Donc, c'est un grand retour des Illusions auditives les samedis de 19h à 21h. Et je tiens, puisque tu es là, Jacques, c'est pas petit cette nouvelle-là qu'on annonce aux auditeurs et aux auditrices de CKRL. C'est toi qui animeras Rue d'Auteuil à partir de ce vendredi. Oui. en remplacement en quelque sorte, ben essentiellement oui. Michel Dubois qui a décidé de prendre sa retraite après de nombreuses années. Je pense qu'il a fait 30 ans. 30 ans. Le plus drôle, c'est que la première fois que j'ai fait de la radio, des micros, la première fois, c'est à CKRL, okay, en 97, et c'était à Rue d'Auteuil. Rue d'Auteuil, qui est une référence en blues à Québec et au Québec, les vendredis de 20h à 22h. Je ne vais pas brûler de punch, c'est peut-être pas cette semaine que vous allez le faire, mais j'ai entendu entre les branches que Michel viendra participer avec toi pour faire en quelque sorte une passation des pouvoirs à la tête de Rue d'Auteuil. Passation du flambeau. Oui, mais ça devrait... Ben, c'est ce vendredi? Ce vendredi. Par la suite, l'émission va débuter dans le format dans lequel je le fais. Et à quoi peut-on s'attendre de l'édition de vendredi? Allez-vous vous remémorer des beaux souvenirs? Je sais que tu as déjà animé, co-animé Rue d'Auteuil au fil des années avec Michel. J'ai fait 6 étés d'affilée. Et à quoi peut-on s'attendre ce vendredi? C'est quand même un moment historique pour l'auditoire de CKRL. Ah, on va jaser de tout et de rien, peut-être un petit peu de l'histoire, mais pas trop parce que déjà ça a été fait. Mais je sais qu'il y a une historique d'animateur à Rue d'Auteuil. Il y en a eu une couple avant lui. Puis, les noms, je ne me rappelle pas. Donc, on va peut-être bien jaser rapidement de ça. T'sais, on ne commencera pas à refaire toute l'histoire de Rue d'Auteuil, mais on va jaser. On va jaser musique. Là. Et pour terminer en quelques instants, est-ce que tu peux nous nommer un artiste blues à surveiller, un artiste blues actuel à surveiller, que tu nous présenteras au fil des semaines là, à Rue d'Auteuil? Ben, je suis un gros fan de Coco Montoya. Oui. Et il vient de faire paraître un album, Writing on the Wall. Et je vais faire un spécial de 30 minutes dans 2 semaines. Donc, Rue d'Auteuil, animé par Jacques Dulac, ça commence ce vendredi de 20h à 22h, mais également Illusion auditive avec France Secarier et Jean-François Lamar, en plus de Jacques Dulac. C'est le samedi de 19h à 21h. On reçoit en studio avec nous pour parler d'un grand retour en ondes également, Monsieur Pierre Dolbecq, animateur de Diapazone. Salut Pierre. Salut Jean-Sébastien, ça va bien? Ça va bien toi? Très bien, merci de l'invitation. Ben oui, Diapazone, après une petite pause estivale, sera de retour avec son concept original, c'est-à-dire un artiste ou un projet musical par semaine vient parler de musique avec toi. Là. C'est un magazine musical en plus d'être un beau trip là, de musique. Ouais, ben c'est ça. C'est un invité par semaine, un artiste émergent, idéalement, là, local, qui vient en studio nous présenter ni plus ni moins son univers musical. Donc là, leurs influences, des coups de cœur du moment et leur musique, évidemment. Puis ça nous permet de les connaître un peu mieux comme ça, d'apprendre à connaître ce qu'ils aiment. Puis ils se dévoilent beaucoup aussi dans l'explication de leurs choix musicaux qu'ils font pour l'émission. Donc on apprend à les connaître un peu comme ça. Et à partir de cette saison, au début de la saison dernière, vous les animiez l'émission en duo. Et à partir de cette année, tu seras à l'animation en solo. Est-ce que ça a été différent, la préparation, la sélection des artistes pour toi? Pas le fait d'être solo, parce que de toute façon, si on recule, l'émission a été créée en 2020. Okay, Au départ, en 2020, j'ai commencé avec une co-animatrice. Après ça, avec les aléas de la pandémie, je l'ai fait seul pendant une bonne année. Puis ensuite, c'est ça, il y a eu Nicolas Gagnon qui a fait un bout de la session de la saison d'automne. Il a fait la saison d'automne essentiellement. Puis j'ai plutôt pris le relais là par la suite là au printemps. Puis c'est toujours moi qui ai comme fait le booking, si on peut se permettre le terme des artistes. Donc ça n'a jamais vraiment changé là-dessus. L'émission, je pense, commence à avoir une certaine notoriété dans la scène locale, parce que les artistes se présentent à eux deux-mêmes maintenant. Là, ça simplifie un petit peu la programmation de cette façon-là. Je sais que tu prévois beaucoup d'avance ta programmation, des mois d'avance. Est-ce que tu peux nous dévoiler certains artistes qui seront de passage en septembre? Je suis prêt pour jusqu'en 2024, j'ai ma programmation de fête. Mais est-ce que je peux vous donner des noms? C'est sûr que pour les gens qui sont déjà assez connectés avec la scène locale, c'est peut-être des noms qui vont vous dire quelque chose, d'autres fois non. Des fois, si vous voulez être plus en découverte, ben écoutez l'émission, vous allez les connaître. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dès samedi prochain, À 17h, on va avoir Menexen, qui va lancer la saison avec nous. Ça va incidemment aussi être la première émission avec mon nouveau chroniqueur, qui va faire une chronique par mois. Okay. Gabriel Villeneuve, qui est bien connu de la scène émergente, qui a déjà beaucoup alimenté l'émission là dans les dernières années en me donnant des suggestions d'artistes, dont Menexen, d'ailleurs. Donc Gabriel va venir une fois par mois nous faire une chronique de justement qu'est-ce qui se passe dans la scène émergente, qu'est-ce qui vient de se passer, qu'est-ce qui va se passer au terme de sortie ou autre chose. Donc, j'invite l'auditoire de CKRL à s'intoniser dès samedi prochain. Diapazone, c'est en 5 à 7 de 17h à 19h chaque samedi et en rediffusion à partir de cette année, les jeudis soirs de 22h à minuit. Donc, deux belles occasions de consommer de la musique locale. On trouvait ça important que cette émission-là puisse être rediffusée, qu'il y ait d'autres plateformes pour écouter cette super émission-là. Merci, Pierre, de faire ce beau travail-là. J'aurais aimé ça avoir le temps de parler de Diapazone Fest. On en reparlera au cours des semaines. On va avoir le temps d'en reparler. Merci Pierre beaucoup. Delbecq, d'avoir été avec nous. Jean-Sébastien? Oui? Oui, on poursuit? Oui, absolument. On va poursuivre avec une courte publicité. On va en pause. J'avais des écrans devant Simon. Sortie culturelle. Le samedi soir à Télé-Québec est une expérience hallucinante. Je sais pas du tout de quoi on va me parler. À 20h, vivez le talk show réinventé avec Pour une fois. J'ai plein de questions à poser. À 21h, faites du bruit sur une scène endiablée avec Belle et Bomme. On a une belle soirée devant nous. Et à 22h, plongez tête première dans des histoires improbables avec notre programmation cinéma. Si on faisait un jeu... Les samedis soirs... Je tripe. Vivez l'expérience à Télé-Québec. Petite capsule gratinée, tapenade d'olive noire, tomate, mozzarella, échalote, amandes effilées, fromage de chèvre, le tout gratiné au four, servi avec une délicieuse salade d'accompagnement. Alors, qui suis-je? Le chef au chaud du Bugel. Le Bugel depuis 37 ans. Un bugel à la fois. Ouvert tous les jours de 8h à 18h au 164 Rosie West. Cher Terry, tu as couru pour nous, maintenant nous courons avec toi. Joignez-vous à nous le 17 septembre prochain pour la journée Terry Fox en soutien à la recherche sur le cancer. Visitez le terryfox.org pour vous inscrire dès aujourd'hui. Qui est ce personnage fantomatique au bord de l'eau? Dans le numéro estival du magazine littéraire Nuit Blanche, La Barbe et la Baleine, Histoire de cow-boy et de marin, un entretien avec Dominique Scali, La poésie de Pierre Morency, Russe et Ukrainien, Les Frères Inégaux. Mais au fait, qui est ce personnage en couverture du numéro d'été de Nuit Blanche? Pour le savoir, consultez nuitblanche.com. Et tant qu'à faire, abonnez-vous. Grâce à Poil et Plume, votre animal de compagnie se sentira heureux. Poil et Plume, une animalerie de quartier, vous offre de la nourriture pour votre chien, chat, vos oiseaux et rongeurs. Des accessoires pour l'hygiène de votre animal, de la litière agglomérante d'argile et bien plus. Vous recherchez une nouvelle diète pour votre chien ou chat? Chez Poil et Plume, retrouvez les produits From, Boréal, Go et bien d'autres. Un service de livraison local. Poil et Plume, des conseils à profusion par des gens d'expérience et passionnés. 569 3e Avenue à Limoilou et 770 rue Saint-Jean. Suivez-nous sur Facebook. And you hear me from far away, and my voice does not reach you. CKRL 89.1. Sortie culturelle. Vous écoutez sortie culturelle spéciale rentrée à CKRL. Pamela Bisson et Jean-Sébastien Doré avec vous jusqu'à 18h pour vous dévoiler toute cette grande programmation de l'automne. Moi, je regarde la grille, je vois plein de noms qui me sont inconnus et comme Jean-Sébastien est à mes côtés, il va pouvoir tout m'expliquer. Jean-Sébastien, qu'est-ce que l'émission La Mi-temps? La mi-temps, les mardis de 14h à 15h30, c'est une émission d'analyse sportive animée par Dominique Girard depuis plusieurs années. Dominique Girard qui... peut-être que Simon pourrait nous aider avec ses mains, donner après un nombre d'années. Non, je crois qu'il est actif à CKRL depuis les années 90. Là. Et journaliste sportif depuis plusieurs années, avec ses chroniqueurs fidèles qui parlent d'à peu près... tous les sports en ville, à Québec, au Québec. Bien sûr, ils suivent le hockey de la Ligue nationale de hockey, le baseball, tout, la Formule 1, le basketball. Denis, nos animateurs maison, Denis Lelièvre, il tient chronique en hockey de la Ligue nationale. C'est vraiment une émission pour les fanatiques de Denis sport. Denis fait des chroniques à la mi-temps. Denis fait des chroniques à la mi-temps depuis quelques mois. Ah, tu m'en vois étonné. Eh oui. Alors, la mi-temps à 14h, c'est pour se mettre à jour sur l'actualité sportive. Absolument. Et c'est... dans son ensemble. Toute l'année. Oui, c'est beaucoup... il parle beaucoup de hockey pendant l'année, mais de tous les sports. De tous les sports, même le curling. Absolument. Ah oui, OK, super. Le curling dans tous les sports, c'est celui qui m'intéresse le plus. Après ça, il y a un autre nom qui m'intéresse, Signal Mystique, oui. Puis Rumeur Cosmique. Là. Parle-moi de ces deux émissions-là. Rumeur Cosmique, oui, les mardis de 21h à 22h. C'est une émission qui est de retour, hein, son animateur, Sébastien Ouellet, a pris une courte pause cet été pour se ressourcer, pour refaire de la recherche musicale. Et oui, c'est une émission aux plusieurs styles musicaux, je dirais. Il y a de l'électro, il y a du rock psychédélique. C'est un beau mélange. Ça se veut mosaïque jusqu'à un certain point, sa proposition musicale. Et Sébastien a décidé d'intégrer un aspect cinématographique à sa proposition cette année. Et j'ai même vu sur les réseaux sociaux, il a annoncé avant notre dévoilement officiel, et qu'il analysera un film par semaine, un film québécois des années 70. Donc voilà, c'est un beau trip musical, cinématographique, un peu psychédélique dans le concept et dans le rendu. Donc à découvrir les mardis à 21h. On reçoit en studio notre récipiendaire du prix Daniel Marcoux 2022 et animateur légendaire également. J'ai dit ça souvent, ouais. Là, mais c'est souvent en vrai. Hein. Merci. Michel Drolet, animateur de Mezzanine, les jeudis de 20h à 22h. Ça va bien, Michel? Oui, toi aussi. Ben, ça vous, va super aussi. Bien. Bonjour, en studio. Oui, Mezzanine, qui n'a même pas pris de pause. Toi, tu n'es pas de retour, tu continues. Oui, j'aime ça faire la radio. Oui. Et j'aime la musique. Je combine les deux, c'est parfait. On n'arrête pas. Ça fait combien de temps que tu animes Mezzanine sur les ondes de CKRL? Depuis 1999. OK. Donc, ça fait un bail. Le siècle dernier. Avant le bug de l'an 2000, ouais, exactement. Ça n'a rien déréglé, là. Non, ça a bien fonctionné pour moi. Et jusqu'où remonte ton amour? Ben, faut expliquer aux auditeurs qui ne connaîtraient pas. Mezzanine, c'est une émission axée sur la musique, le rock, mais la musique en général britannique. Oui, exactement. Tu proviens des îles britanniques. Oui. Donc, est-ce que ça arrive que tu débordes un petit peu ou c'est... tu tiens strictement à la musique? Je le faisais souvent au début. OK. Des groupes qui avaient... une sonorité britannique où là maintenant j'ai largué tout ça ou presque. Okay. Et je me concentre vraiment sur seulement britannique. Mais j'ai un petit segment de 21h à 21h15 où je fais souvent un spécial. Comme exemple, jeudi dernier, c'était sur The Smiths, qui est un groupe très britannique. Là. Et je fais le spécial à cet endroit, dans ce segment-là, varie. Ça peut être je peux parler d'un coffret, d'un groupe en particulier. Et là, j'ai l'intention de faire, de temps à autre, justement parler des groupes qui ont une sonorité britannique, mais qui ne sont pas nécessairement britanniques. Et dans une émission comme ça, qui est super spécialisée, comment fais-tu pour découvrir la musique? Je vois sur tes réseaux sociaux, puis tu fais partie des émissions qui les utilisent le plus pour nous faire découvrir de la nouvelle musique. Comment déniches-tu cette musique-là chaque semaine, des nouveautés, beaucoup de classiques, mais de la nouveauté toujours? Oui, toujours la nouveauté. L'un de ceux parmi les animateurs et animatrices qui vont le plus chercher de la nouveauté musicale. Ah oui, j'ai un site web que je fréquente, c'est un site français qui porte le titre de Sound of Violence. Okay. Évidemment, c'est français. Et c'est vraiment, sont vraiment à la fine pointe, là. De ce qui paraît sur les îles britanniques, mais aussi il y a des magazines. J'ajoute encore des magazines, le Mojo, le Uncut. le magazine britannique, à l'inverse, un magazine britannique qui s'appelle Vive le Rock. Okay. Et oui, je fouille. Et sur Internet, bien entendu, sur YouTube. Oui, c'est vraiment les nouveautés, très important. Et en quelques instants, peux-tu nous nommer quelques artistes fétiches qui t'ont donné le goût à l'origine de faire de la radio, de présenter cet amour-là pour la musique britannique? Oh là là, je remonte de loin. Si je peux aller jusqu'au cégep. Oui, parce que j'ai toujours aimé partager la musique, répandre la bonne nouvelle par les groupes à l'époque, bien entendu, les Genesis, qui a été mon premier groupe préféré. Pas lorsque... de la radio étudiante à l'époque? Non, pas du tout. Mais comme anecdote, j'avais déjà présenté à mes parents, j'avais vu dans le journal, il y avait un cours qui se donnait pour faire de la radio, oui. J'avais suivi, mais disons que c'était un peu cher pour mes parents, donc ça a été autre chose, mais maintenant j'en fais, donc c'est parfait. Mais les groupes fétiches, c'est certain que lorsqu'on aime un groupe, on veut que les gens, on veut le partager, hein, pour que les gens écoutent et aiment aussi. Donc je parle surtout les groupes de ce genre-là, le Genesis. Un peu plus tard, c'était Marillion quand ils sont arrivés, qui est mon groupe fétiche de tous les temps, là, vraiment. Mais les groupes britanniques. Je dirais plus récent, je parlerais peut-être de Fontaines D.C. et les groupes post-punk depuis quelques années, là, comme The Murder Capital aussi, qui sont vraiment excellents, les groupes à surveiller là, dans les prochaines années. Et pour terminer, as-tu quelques parutions qui sont à venir à l'automne 2023 que tu peux nous suggérer? Oui, on a combien de temps? Quelques secondes. The Witches, qui sont un groupe un peu psychédélique. Oui. Il y a aussi The Slow Dive, mais il est paru vendredi dernier. Donc, je vais faire découvrir ça cette semaine aux auditeurs. Et quel autre groupe aussi? Un groupe nouveau qui fait passer au groupe Savages. Je ne sais pas si vous connaissez. Il s'appelle Jen, G-E-N-N. Oh. Très intéressant. Très hâte d'entendre l'album. Donc, est-ce qu'on va découvrir ça ce jeudi? Show Dive ce jeudi. Donc, Mezzanine, c'est les jeudis de 20h à 22h sur les ondes de CKRL. Merci, Michel Drolet, d'avoir été avec nous. Merci, je te souhaite une super belle saison. Merci. Et Jean-Sébastien, on va poursuivre avec une émission qui m'intéresse beaucoup. Et on est choyé d'avoir ces deux animateurs avec nous les jeudis à 18h pour Fahrenheit 89.1. On s'intéresse à la littérature et au cinéma avec Anne-Josée Cameron et Pierre Blais. Anne-Josée est avec nous en studio. Allô, Anne-Josée. Bonjour. Salut. Bonjour à vous deux. Oui, vous trois. Bon retour, bonne rentrée. Oui, bonne rentrée. On est prêts. On a hâte, en fait, je dois avouer. Quand même, là, on a préparé nos entrevues, les sujets sont bookés, les entrevues aussi. Les livres sont pas toutes lus, par exemple. Je lis vite, là, mais quand même, il y a des limites. Mais par contre, je sais ce que je vais lire chaque semaine d'ici Noël. Donc, c'est déjà Livre assurément à chaque semaine. Oui, c'est un livre à chaque semaine parce que j'ai une entrevue par semaine. Comme par exemple, la semaine prochaine, on a Karine Gagnon, la journaliste que vous connaissez bien, qui vient d'écrire une biographie historique d'Irma Levasseur, donc première femme médecin qui a été à l'origine de l'hôpital Sainte-Justine. Donc, on a Vanessa Bell, donc il reste à confirmer, mais on a Philippe... Philippe Girard, donc qui sera des nôtres également. Vraiment, on a des écrivains de Québec. On est tellement chanceux, il y a tellement des écrivains et écrivaines formidables à Québec qui sont déjà tous en ligne là pour nos rencontres. En fait, on a hâte qu'ils nous parlent de leurs livres, de leur inspiration. Ça va bouger beaucoup. Et on commence en grand avec le Festival de cinéma de la Ville de Québec. Donc, on parlera cinéma, bien sûr, jeudi. Ça commence donc à peine 24 heures après le lancement officiel du Festival de cinéma. Nicolas Léger sera avec nous, le cinéaste pour Gossu des possibles, un moyen-métrage qu'il a réalisé. On va parler de Solo, qu'on a vu ce matin, Pierre et moi. Donc, nouveau film Simple comme Sylvain, mais qu'on n'a pas encore vu, par exemple. Là, ça va rester à parler, qui est le film de clôture, si je me trompe pas. Oui, de Monia Chokri. Mais qui a suscité beaucoup d'enthousiasme. J'ai bien hâte de le regarder aussi. Peut-être, il y a plein de choses. Et des livres à lire. On a plusieurs... chroniqueurs, mais là, je suis presque triste, parce que là, on a des super chroniqueurs tous les jours, donc tous les jeudis, Maëlle Morin, Olivier Bilodeau, André Caron, Annie Saint-Pierre, Dominique Caron, mais là, comme je fais une entrevue, je pourrais presque plus parler de livres, de mes lectures, donc il va falloir qu'on trouve un moment à la fin, dans le Varia, mais écoute, ou trouver... Tu peux venir à la sortie culturelle. Ah, ben j'arriverai plus tôt, puis je viendrai te faire des suggestions de livres avec plaisir. J'aimerais ça. Ah, ce serait super. Ben parce que je pense que ça doit pas être si facile de faire les choix de lecture non plus. L'offre littéraire est assez variée. L'offre est immense. Mais en ce qui a trait à la littérature pour les entrevues, j'ai vraiment demandé à une exception à des gens de Québec. On veut découvrir nos écrivains, notre littérature, ce que les gens ont à dire. On a des auteurs de diverses générations aussi, comment on perçoit le réel, la création. Et puis, en termes de littérature, je laisse les gens libres d'aller selon leur cœur. Par exemple, Maëlle Morin, elle adore la poésie. Elle nous parle de poésie. André-Pierre Bérubé, qui est notre troisième acolyte, qui est là très, très souvent, lui, ben, il adore les essais. Donc, c'est à lui que revient le plaisir de parler d'essai. Donc, je laisse les gens libres. Moi, je lis beaucoup de fiction. J'adore la fiction. J'aime la littérature de genre. Ben, j'aime tous les genres de littérature, en fait. Donc, je me promène un peu comme ça au gré des lectures puis de mes envies et des piles de livres qui s'accumulent chez moi. Donc, j'ai souvent le problème de perdre une nouveauté et de la retrouver un an plus tard. Donc, d'en parler un peu en retard. Mais je me dis qu'un livre, un bon livre est toujours un bon livre, peu importe le moment où on en parle. Il n'y a pas de doute là-dessus, Jean-Sébastien. Oui, mais quand je suis entré en poste à l'automne dernier, oui. On m'a présenté Fahrenheit 89.1 comme une belle surprise. Vous êtes, toi et Pierre, vous êtes deux vieux complices de radio. Le fait que vous soyez réunis pour une toute nouvelle émission sur les ondes de CKRL dans le cadre de notre année du 50e, j'avais peur que ce soit un one-shot deal, en fait. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de revenir? On est tellement choyés. En fait, on est super contents. En fait, je pense qu'il nous a donné le goût de revenir, c'est plusieurs choses. Deux, on a découvert au fil de l'année des nouveaux chroniqueurs qu'on connaissait pas. Okay. Vous allez voir, là, les chroniqueurs qu'on a, peut-être Olivier Bilodeau, André Caron, la plupart sont nouveaux sur les ondes de CKRL. Il y a aussi des élèves de Pierre qui enseignent la créativité média au Cégep de Limoilou. Moi, j'ai rencontré des passionnés de littérature qui se sont joints à nous. Au fil du temps, notre équipe s'est étoffée. Puis là, on a comme une gang. Puis on se disait, ah, c'est donc bien plate de plus avoir ce rendez-vous-là à chaque semaine. Mm-hmm. Donc, si les gens ont du plaisir à nous entendre, ben là, c'est tout bénef pour tout le monde parce que nous, on s'est fait des nouveaux amis aussi avec qui on partage les mêmes passions, la littérature, le cinéma. Ça, c'est un plaisir extraordinaire. Puis 25 ans après avoir commencé, faut dire que vous connaissez un peu Pierre, qui est notre grincheux de service, qui connaît très, très bien le cinéma. Ben, il y a 25 ans, c'est moi qui animais l'émission de cinéma. Okay. Je suis partie 2 ans. Quand je suis revenue, il m'a fait passer un test de cinéma étranger. Heureusement, j'ai passé, mais il fallait que je repasse un test pour animer mon ancienne émission. Donc, c'est Pierre. Hein, il n'y en aura jamais de facile. Donc, merci Anne-Josée d'avoir été avec nous. Soyez tous à l'écoute. Les jeudis. Oui, soyez à l'écoute de Fahrenheit 89 qui est de retour dès ce jeudi à 18h. Anne-Josée et Pierre Blais. Ça se passe bien en ondes? Ça se passe très bien. En ronde et en ondes, ça se passe très, très bien. Donc, écoutez ça. Un plaisir de vous retrouver tous. Un de nos très, très beaux magazines ce jeudi à 18h. Et Anne-Josée, toujours bienvenue à Sortie culturelle. J'en prends bonne note. je répète mon invitation. On continue où on va en pause, Jean-Sébastien? Oui, on poursuit avec on va continuer notre petit survol de la programmation d'automne 2023 avant de parler à un de nos animateurs qui célèbre un super anniversaire ce soir, M. Éric Bédard. Donc, oui, on va peut-être en entendre parler dans quelques instants. Sinon, ben, regarde, je vais en parler de son anniversaire dans quelques minutes. Oui, je vais poursuivre. Le lundi, je vais prêcher pour ma propre paroisse. Les lundis de 20h à 22h, écoutez, si ça vous tente, une émission de rock animée par votre humble serviteur, les saints patrons de la Couffaine. Je fais ça artisanalement depuis 2012. Des fois, je l'écoute. Des fois, j'ai moins le goût. Donc, prenez un petit peu le relais des fois. C'est lourd pour une seule personne d'écouter ça en plus de l'animer. Par la suite, peut-être lui parlera-t-on dans quelques instants. Oui. Mais moi, j'ai pas eu ma réponse tantôt. C'est sur l'émission Signal Mystique. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Je vais arrêter de me caler et je vais me rendre utile. Signal Mystique, c'est un nouveau concept, en fait, qui est né l'été dernier. C'est ce qui est né de la rencontre entre David Rocketship, qui anime Rock'n'Roll Planète depuis une dizaine d'années maintenant, sur les ondes de CKRL, avec une bonne amie à lui, Mireille Bouchard. C'est un magazine qui parle de mysticisme, d'ésotérisme, et c'est vraiment, ils reçoivent des invités, ils abordent des questions comme la vie après la mort, des choses vraiment, puis d'une manière vraiment super intéressante, pertinente, mais ludique également. Et ils ont fait une année ou deux, ils ont participé au Radioton. Ils l'ont fait, en fait, cette année avec Lou-Adriane Cassidy. Mireille a tiré le tarot avec Lou-Adriane et ça a donné des super beaux moments de radio. Je ne sais pas si Mireille a l'intention de le refaire au cours de la saison, mais c'est vraiment un super beau concept. qui se voulait un peu en complément de Rock'n'Roll Palette, mais qui est vraiment un projet indépendant. C'est un magazine sur des sujets mystiques et ésotériques. L'émission qui suit après, Pop Art. Pop Art, c'est une émission musicale proposée par Michel Bilodeau, qui est un des animateurs de Terra Incognita, dont nous parlerons sûrement dans quelques instants, qui est le samedi soir. Il m'a proposé ça pour la saison d'été et je suis vraiment honoré qu'il ait décidé de continuer. C'est une émission musicale où il nous fait découvrir... de la musique pop-rock, mais en parallèle des grands mouvements, en parallèle de ce qu'on peut entendre sur les ondes des FM, entre grands guillemets. Donc, il nous fait découvrir des sous-genres du rock et de la pop dans une émission vraiment... moi, j'y ai découvert des dizaines de formations que je ne connaissais pas du tout dans la dernière saison à l'été. Donc, je vous recommande cette émission Pop Art. C'est les mercredis de 22h à minuit. C'était précédemment les lundis soirs, là. Oh, on est avec nous, monsieur Éric Bédard. Oh, il est accompagné. Minuit moins une. Joyeux anniversaire. Merci. Salut, Pam. Salut. Salut, Jean-Seb. Et tu viens accompagné de ton garçon? Eden, que j'ai été chercher à la garderie de là mon retard, qui voulait voir la radio. Et 15 ans de prescription punk rock ce soir. J'ai travaillé là-dessus dans les dernières semaines. Fait que ça va être une grosse émission. Dennis de Ten Football va être là. On va avoir la légendaire formation DOA. Une des plus grandes formations du punk. DFL va être là, si vous connaissez les Beastie Boys. Adam avait parti de ce groupe-là à l'époque. Mike D était aussi dans le groupe. Ils sont partis, les autres ont continué. Mais vous allez l'entendre, le chanteur, sa sœur sort avec, je pense justement Mike D, sont mariés. Donc vous allez entendre toute l'histoire. On va avoir 50 Shades of Punk Rock qui va faire des covers. On va avoir aussi The Static Age, formation proto-punk très intéressante, qui sont revenus, qui avaient pris du service, qui avaient pris un break, excusez, qui reprennent service. Et c'est ça, grosse émission. Traps va être là aussi avec nous autres. Très festif, on va se faire du fun pour les 15 ans. Et prescription punk rock, ce sera habituellement de 22h à minuit, les lundis, mais exceptionnellement, ce soir, ça commence à 20h. Grâce à toi! Grâce, oui. Qui, normalement, vous êtes avant moi, qui a toujours été un fit en plus. Donc, oui, merci, on va être là pendant 4h, fait que on a du stock pour vous autres, faites-vous-en pas, ça va être une grosse émission. 15 ans, c'est pas rien. Peux-tu nous raconter la genèse de ce format-là, de ce concept-là, prescription punk rock? Comment as-tu commencé à faire de la radio? Avec André Arthur, au Ciné-FM à l'époque, de fin de station, et j'animais une émission qui avait lieu à chaque dimanche. Samedi dimanche, c'était 6h, puis je m'occupais de tout ce qui est art et spectacle. Okay. Donc, c'est là que ça a commencé. La première émission, j'étais nerveux, je tapais sur la table, et à un moment donné, j'ai reçu une claque en arrière de la tête, quand même une grosse main. Je l'ai juste vu de côté, quand je me suis retourné, c'était André Arthur qui me convoquait au bureau. Puis je me suis dit, première émission, je vais me faire jeter dehors du Simi FM à la première émission par M. Arthur. Et non, il m'a dit, t'as une belle voix de radio, mais tu sais, faut que tu fasses attention parce que le son est décuplé. Et quelques temps plus tard, c'est lui qui me conseillait de trouver mon créneau. Et grâce à lui, c'est ça, prescription punk rock est née quelques années plus tard. Emily de 50 Shades va être là, mais j'ai co-animé à l'époque avec elle. Punk détente continue aussi, ça fait au-dessus de 15 ans, t'es d'accord, Eden? Puis c'est ça, fait que au fil des années, on s'est rendu à faire notre émission après 2 ans et demi avec Emily, et on a commencé prescription punk rock à CKIA à l'époque, qui avait fermé, et CKRL avait généreusement offert une plage horaire de venir quelques jours après. Donc j'avais fait 2 émissions finalement dans la même semaine quand je pensais que c'était terminé. Donc c'est 15 ans plus tard, c'est fou de penser à ça. Puis tu sais, c'est merci aux auditeurs, merci à la station, puis tout le monde qui croit en ça aussi, puis qui en parle. Ça, c'est ce qui crée aussi l'engouement envers l'émission, je pense. Fait qu'on est bien fiers de continuer à le faire, puis on a des belles surprises pour vous autres. C'est pas terminé, c'est pas un adieu. Et là, Rick, quand tu dis on, c'est qui ça, ce monde-là? Ah, je parle tout le temps comme s'il y avait quelqu'un d'autre, mais c'est moi. juste pour m'assurer s'il y avait une armée. Ça a l'air plus humble, je trouve. C'est lui, c'est Eden. Mais c'est pas pour rien que tu dis que c'est le lundredi, chacune de tes émissions. C'est une émission prescription punk rock qui est réputée pour ses invités. C'est souvent un beau party en studio que les auditeurs ressentent à la maison. À quoi peut-on s'attendre de cette saison, automne 2023, passé la grande célébration de ce soir? As-tu déjà des invités que tu peux nous annoncer? On continue sur cette tendance-là. Je peux déjà vous dire, il y a une formation qui est en train de gagner beaucoup de terrain. Un retour aux sources, le folk punk marque. Marche énormément, mais pas la Dropkick Kick Murphys, là, okay. Vraiment plus à la Hilly Billy, tu sais, retour guitare, instrument simple. Donc, c'est vraiment un groupe fort de ce mouvement-là qu'on va avoir, qu'on a eu en fin de semaine en entrevue. Puis, il y a d'autres exclusivités. Tu sais, je peux vous dire que NoFX, c'est pas terminé encore et qu'il y aura une dernière entrevue, c'est sûr, avec Monsieur Fat Mike et NoFX, c'est certain. Les Macadam s'en viennent, donc il y a des entrevues qui s'en viennent. Donc, il va y avoir beaucoup de choses, beaucoup d'exclusivités aussi. C'est ça. Fait que Jean-Sébastien, je suis pas capable de répondre à tout parce que je peux pas tout dire. Ben oui, bien sûr. Mais Eric, quand tu fais des entrevues avec ces bands-là, c'est en anglais? Oui, une grosse partie est en anglais. C'est pour ça qu'on alterne. On soit souvent un band local. Fait que on a les deux parties. On garde souvent la partie anglophone pour la fin. Donc oui, mais vous faites pas un voice-over en français par-dessus. Là, on entend non. Tu sais, on traduit un peu aussi. Et le « on » en parlant de juste encore, toi. Encore, bien là, sûr. Oui. Moi et moi. Deux personnes, tu sais. Et ben sans blague, c'est ça. Tu sais, on donne une portion anglophone, oui, mais on coupe les entrevues pour l'audio, pour l'émission, puis on met les entrevue complète disponible. Des fois, ça peut durer 40 minutes, une heure. On rentre vraiment dans l'historique des groupes. C'est ce qu'on essaie de faire ressortir, surtout. Il y a toujours une belle histoire en arrière des groupes. Mais justement, de partager ces histoires-là. Puis ça permet aux bands aussi de créer une espèce de lien à travers ces entrevues-là qui sont magiques, incroyables. J'ai beaucoup de chance de faire ça. D'ailleurs, vite, une stat, on arrive à 2000 entrevues. Ah oui. Je suis pas loin, peut-être moins d'une centaine. Donc, on devrait fracasser 2000 entrevues cette année, 710 émissions de prescription punk rock. C'est techniquement la 710e. C'est fou. Puis dans tous les gens que tu as interviewés en 15 années d'émission, est-ce qu'il y a des gens qui sont devenus des amis proches ou... C'est ça qui est fou aussi, tu sais, tu penses pas rentrer là-dedans puis développer des amitiés, mais je pense que Denise de Ten Football est un bon exemple, puis vient ce soir, tu sais, il a pris de son temps. Vous allez souper ensemble puis tout. Ben oui, tu sais oui. La totale, puis tu sais, il vient prendre son temps, puis je trouve ça tellement magique, tu sais, de repenser que quand j'avais 16-17 ans, quand on écoutait ça dans un party chez les chums, puis qu'on était fascinés par sa musique, de dire, tu sais, un jour je pourrais le texter ou l'appeler n'importe quand, puis tu sais, il y a pas de problème. C'était qui là, tu sais. Ouais. Ouais, exactement, tu sais, c'est surprenant. Puis ce qui est aussi surprenant, c'est de rencontrer des gens aussi qui sont établis puis qui connaissent l'émission dans des milieux qui ont aucun rapport au punk rock. Puis je pense que ça c'est un beau velours, tu sais, de voir que les gens ont embarqué. C'est ça, tu sais. Ben félicitations et joyeux anniversaire à prescription punk rock. Merci, oui. Merci. Ben, je pense que ton fils veut prendre la parole. On peut oui, Eden, tu veux te dire salut? Bonne rentrée. Il bredouillait quelques mots en arrière, mais là, quand c'est le temps, il veut plus. T'es à radio, mon grand. Ben oui. Il va avoir été là. Bon 15e anniversaire. Hey, merci. Et tout en invitant les auditeurs à te rejoindre ce soir à 20h pour une édition spéciale de 4 heures de prescription punk rock. Comme un radioton. Ben hein? Oui. On est prêt, je suis prêt pour le marathon ce soir. Dès lundi prochain, c'est une idée, l'émission à partir de 22h, de 22h à minuit. Et sans, loin de moi l'idée de sonner comme un fan qui t'arrête sur la rue pour que tu le dises, là. Mais peux-tu nous sortir ton Hell Yeah, le grand classique de ton émission pour terminer tout ça? Non, je le garde pour ce soir. Non, c'est une blague. Je garde toute mon énergie pour ce soir. Hell Yeah! Vive CKRL! Merci. Merci d'avoir été avec nous, Eric. Et joyeux anniversaire encore. Mm-hmm. Merci. On poursuit ou on va en pause? Oui, ben on va continuer peut-être notre petit survol de la programmation. Les jeudis en après-midi, puisqu'il n'est pas là aujourd'hui, Denis Lelièvre, qui est l'animateur de Midi Jazz édition du lundi, présente Chansons sur parole de 14h à 16h, son émission principalement d'entretien. En fait, ça dépend. D'entretien avec des artistes musicaux, avec des artistes littéraires, des comédiens, des metteurs en scène également. C'est vraiment un super beau magazine d'entretien, mais c'est également aussi une émission musicale, une fois de temps en temps, où il nous fait découvrir la plus belle musique de la francophonie. Donc, Denis Lelièvre, une référence. Un érudit, c'est un érudit animateur à CKRL depuis les tout débuts. Hein. C'est la première voix qui a pris les ondes au 89. Après, je reste un peu dans le studio. C'est vrai? Oui, je l'écoute. Puis après ça, je l'écoute dans l'auto. C'est excellent, Denis. On a encore quelques instants. Tiens, le vendredi à 22h, de 22h à minuit, un grand classique. Monsieur Olivier Bercelli présente Démentiellement Vôtre à ne pas manquer. Alors, on va faire une courte pub. Vous écoutez Sortie culturelle, édition de lancement automne 2023. Vous écoutez Sortie culturelle, émission spéciale pour le lancement. Et on est avec Jean-Sébastien Doré, bien sûr, directeur de la programmation. Mais au bout de la ligne, on a Raymond Poirier, notre animateur de la vie en BD, qui revient avec nous pour une 13e saison. Alors, j'espère que ce sera un 13 chanceux pour Raymond. Raymond, t'es avec nous? Oui. Alors, Raymond, qu'est-ce qui nous attend dans cette saison automnale de la vie en BD? Je pense qu'on va se donner vraiment l'opportunité d'aller à la rencontre d'albums. On a commencé à le faire dans les dernières années, mais je pense qu'on va intensifier beaucoup ça au fil de la saison, donc des entrevues des 30 minutes, des 60 minutes autour d'un livre pour décoder les approches, les méthodes, les lignes créatrices, si on peut dire, des auteurs, autrices de bande dessinée. On va coupler ça avec des rencontres d'analyse, de discussion pour essayer de décrypter un peu des mécanismes, des approches, soit avec des discussions avec des spécialistes, comme Michel Giguère, par exemple, qui sera de retour cette année, ou soit par le biais de clubs de lecture qui, comparativement à l'an dernier, où on était vraiment dans des approches plus sociales, si on peut dire, là, on revient vraiment vers des bases stylistiques, des réflexions autour d'approches visuelles, d'approches narratives, notamment. Après 415 émissions, Raymond, est-ce que tu as toujours une passion aussi forte pour le milieu de la BD? Est-ce que après 12 années, 12 saisons et une 13e qui commence, est-ce que le milieu réussit toujours à t'insuffler la même énergie? Bien, en fait, il y a toujours des auteurs, autrices qui viennent nous surprendre et je pense que c'est ça qui est le plus plaisant. On connaît les auteurs bien établis, il y en a que je rencontre régulièrement depuis 12 ans ce que j'apprécie le plus, c'est quand je vois quelqu'un qui arrive un peu de nulle part, qui nous arrive avec un album qui va nous marquer, qui va nous happer. Des fois, c'est les premiers albums qui sont réellement surprenants. Je pense à des gens comme Geneviève Guiguet, Héloïse Marseille, là, si on va juste dans les balados de l'an dernier. Donc, vraiment, il y a quelque chose là qui suscite toujours l'étonnement et qui vient nous renouveler. Et autant, et je pense que ça va être un des sujets d'ailleurs cet automne où on va aller à la rencontre de cet auteur-là, des gens qui arrivent vraiment avec des créations qui sort de nulle part, mais un monsieur qui s'appelle Drac Bertium, qui a sorti une BD à 77 ans, une trilogie d'à peu près 500 pages, c'est littéralement l'œuvre d'une vie. Alors ce gars-là, pour moi, il arrive de nulle part, mais il arrive avec une œuvre qui est impressionnante, qui est stylisée, qui est stylistique, qui est narrativement extrêmement forte sur l'histoire de la ville de Waterloo. Alors c'est ce genre d'ouvrage-là qui vient vraiment me titiller de façon particulière. Est-ce que la BD a évolué en 12 saisons ici à Québec? Est-ce qu'il y a plus de sujets qu'il y en avait quand tu as commencé? Il y a plus de livres, il y a plus de publications. Je pense qu'on semble avoir au Québec atteint une vitesse de croisière d'à peu près 125, 150 titres, Le Bon An, Mal An, incluant certaines rééditions. Donc, le milieu, il y a des éditeurs qui sont vraiment stabilisés. Je pense qu'entre autres, du côté montréalais, donc il y a toujours une grappe de petits éditeurs spécialisés. La belle tendance à Québec, particulièrement, je pense, c'est vraiment la montée de Moelle Graphique à Lévis. Donc, il y a une douzaine d'années, quand j'ai commencé l'émission, c'était un éditeur qui était spécialisé dans de l'édition de livres faits à la main, le relié à la main, presque la sérigraphie. Et aujourd'hui, 12 ans plus tard, eh ben on a un éditeur qui est allé chercher les succès de librairie, qui a développé une gamme d'éditions un peu plus classiques et qui remplit véritablement un vide dans le marché BD québécois. Et ça, je pense qu'on peut être fiers d'avoir cette maison d'édition-là qui est basée à Québec, à Lévis, plus précisément, et qui a vraiment eu ce bel essor-là, très organique, j'ai l'impression, au fil de la dernière décennie. Et Raymond, on te retrouve demain pour une première émission, déjà à 19h, mardi. À quoi on peut s'attendre pour cette première émission? On met la table un petit peu pour la saison, donc deux courtes discussions, à peu près une demi-heure chacune. D'un côté, on va avec Michel Giguère essayer de comprendre qu'est-ce qui nous fait rire en bande dessinée, c'est quoi les mécanismes du rire et quels sont les auteurs qui les appliquent à merveille. Donc ça sera notre première moitié. Et en deuxième moitié, on revient sur une publication, on parlait de Moelle Graphique justement, mais Christian Quesnel a réédité son projet de doctorat en maîtrise, ça s'appelle Advocatus Diaboli, et ça a vraiment mis la base chez ce créateur-là sur une approche de narration visuelle, où c'est le visuel qui est vraiment le moteur narratif de l'album, dans la façon dont les images se métissent, se mélangent et évoluent entre elles et se répondent. Alors, comment on bâtit ça? C'est quoi les assises de cette approche-là? Comment il en est venu là? Alors, on va discuter de ça avec Christian également. Alors, un rendez-vous demain, 19h. Merci beaucoup, Raymond. Bonne saison. Ça me fait plaisir. Merci. On est de retour en studio, Jean-Sébastien. Oui. On accueille une nouvelle, une autre animatrice avec nous pour l'émission L'Aérospatiale qui était aussi le mardi. Ben oui, juste avant La Vie en BD, un autre magazine incontournable qui est de retour, L'Aérospatiale. Il y a eu une passation de leadership dans les derniers mois. C'est Myriam Leland qui menait L'Aérospatiale au fil des dernières saisons. Et nous accueillons une nouvelle animatrice pour L'Aérospatiale, Christelle Tremblay. Bonjour Christelle. Bonjour, bonsoir. Enchantée de vous rencontrer. Oui, ça fait plaisir. Mais moi aussi, très heureuse d'être de retour en studio. Comme vous le mentionnez, effectivement, Myriam m'a passé le bâton de l'animation de L'Aérospatiale. Je l'ai accompagnée à la co-animation toute la dernière saison. Donc, j'ai pu apprendre à ses côtés et puis aussi me faire la main pour savoir un peu comment mener ce drôle de bateau qu'est L'Aérospatiale. C'est le seul magazine en art visuel, oui, radio, en tout cas à Québec. Puis peut-être même au Québec, on est en train de faire des recherches à savoir s'il existe un magazine qui se concentre exclusivement sur les arts visuels. Mais en tout cas, on fait partie des seuls ou des uniques. Et c'est quoi votre ligne éditoriale en lien avec les arts visuels? Qu'est-ce que vous avez envie de porter comme mission? Mais en fait, c'est de célébrer les différents discours, d'amener les gens à parler d'art et peut-être déconstruire l'a priori que les gens ont vis-à-vis des arts visuels, que c'est difficile à comprendre ou que c'est inaccessible. Donc, on parle bien sûr des expositions qui sont en montre, qui vernissent ou qui sont actuellement accessible au grand public à Québec. Et c'est une priorité pour nous de parler des choses qui sont possibles de voir sur le territoire. On a tout un bassin de bénévoles qui nous permettent de diversifier les points de vue, de tirer des références, des conclusions de ce qui est en montre à Québec. Et puis, on fait des entrevues avec des artistes aussi qui ont passé par Québec ou qui ont un lien avec ce qui se passe en art visuel ici sur le territoire, afin aussi de stimuler une parole directe, que les artistes puissent parler eux-mêmes de leur démarche. Parfois, ça nous donne des clés de compréhension et on se rend compte que les gens comme nous essaient de tirer de couper des cheveux en quatre et que la parole directe nous permet d'avoir beaucoup plus facilement accès à l'art. Voilà. C'est une très noble mission de nous rendre accessible l'art visuel. Et puis, vous allez nous débuter demain déjà. Oui. Est-ce que vous avez un programme prêt à nous dévoiler. Ben, on célèbre en fait l'ouverture du premier centre d'artistes Wendat à Québec. Donc, le centre est nommé avec un nom Wendat que je n'ose pas encore prononcer, mais on apprendra tous ensemble à prononcer la semaine prochaine. Mais c'est le nom évoque les vieux mocassins, donc l'initiative de marcher, de prendre le chemin, d'avancer. On a Julia Caron-Guilmette et André Lévesque qui seront avec moi pour nous parler de cette grande aventure-là et de l'incarnation de ce projet-là dans un espace qui leur est prêté par vue et qui est financé par le CAC pour un an. Ils auront une première programmation Wendat à Québec, en territoire allochtone. Donc ça, on leur fait une belle place. Ensuite, je reçois en entrevue Jannick Byrne, qui est une artiste anishinaabe qui a passé l'été à Saint-Jean-Port-Joli en résidence, qui a une pratique de performance et qui s'est laissée complètement influencée par le fleuve, par l'été dans la région. Et elle va nous parler de sa pratique, de ce qu'elle garde avec elle maintenant qu'elle est de retour en territoire dans l'Outaouais. Et puis, on termine l'émission avec une critique d'une exposition qui a été vernie vendredi dernier à l'œil de poisson. Non, c'est avec Elisabeth Girardionne, qui est une chroniqueur de longue date avec nous. Et l'exposition s'appelle Expérience de Pécou. Enfin, là, j'ai pas les mots exacts. Mais c'est une exposition qui est très curieuse, drôle et intéressante. Il y a du tapis un peu chag, très mauve dans l'espace. Alors, ça sera enfin très intéressant de soulever, en fait, ce qui se cache derrière cette exposition-là avec notre chroniqueur. Merci, Christelle. Ça donne envie de se joindre à vous demain à 19... pardon, pas à 19... Oui, c'est ça. À 18 heures. Oui, à 18h sur les ondes de CKRL. Et c'est la rentrée, bien sûr, dans le monde des arts visuels. Il y aura du beau contenu à survoler au fil des prochaines semaines à l'émission. On poursuit avec une autre petite discussion avec un animateur. Chevronné d'Arcade Québec, magazine qui est diffusé le jeudi à 19h suite à Fahrenheit 89.1. Stéphane Goulet, salut Stéphane. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Ça va super bien, je suis super content d'être là avec vous autres. Donc, Arcade Québec qui se poursuit hein, à l'automne 2023 sur les ondes de CKRL. À quoi peut-on s'attendre de l'émission cet automne? Est-ce qu'il y a des parutions précisément que vous attendiez, toi et l'équipe? Oui, on attend beaucoup, beaucoup de jeux vidéo. Je vous dirais que depuis la pandémie, là, le monde jeux vidéo a explosé. Cette année, on a tellement de jeux à venir que je veux dire, je sais même pas comment on va réussir à se réduire à un seul show par semaine, mais quand même, on va réussir quand même à faire du bon contenu. La pandémie, ça a vraiment fait un creux au niveau de jeux vidéo, hein. Donc là, les studios se sont ajustés et tout ça. Et là, on a vraiment là octobre puis novembre, là, je vous le dis, j'ai en 8 ans de show, je pense pas avoir vu autant de jeux qui s'en viennent. Fait que ça va vraiment être intéressant. Peux-tu nous parler de quelques titres, quelques jeux dont tu nous parleras cette semaine, ce jeudi? Oui, ben c'est sûr qu'on va revenir sur Starfield, donc le jeu de Bethesda qui fait fureur présentement. On a aussi un jeu de Québec qui est sorti le 29 août dernier. Ça s'appelle Sea of Stars. Donc c'est un petit studio de Québec qui a fait ça et qui commence à être, ben, je dis petit studio. C'est les gens de Sabotage Studio. Donc c'est maintenant un gros studio, on va l'appeler comme ça. Donc c'est sûr que moi je suis en train là, vraiment de refaire ce jeu-là. On va en parler très très longuement. On essaie toujours de mettre l'accent un peu sur les développeurs de Québec. Il y en a beaucoup des développeurs à Québec. Hein. On travaille fort aussi pour les avoir en entrevue dans les prochaines semaines. Je pense qu'on va voir, je vous le dis, je pense que les entrevues, tout ce qui s'en vient, même dans le monde du jeu vidéo, dans le monde de vidéo ludique en général, ça va vraiment être trippant là, comme saison. Tu n'es pas seul, bien sûr, pour mener Arcade Québec. Peux-tu nous présenter tes collaborateurs? Oui, bon, il y a Guillaume Duplain, qui est un c'est un gars de Lévis qui adore le jeu PC. Donc ce qui est bien, c'est que moi je suis plus console, lui est vraiment du côté PC. Donc on va tout couvrir l'univers PC en général. Des fois même on joue au même jeu, mais il y a beaucoup de différences là sur PC. Et on a Jean-François Dion qui lui de son côté aime les jeux que j'appelle complexes. Donc en gros, c'est vraiment les jeux de gestion en général. Il va jouer à des jeux style le Minecraft, Factorio, des jeux qui sont assez complexes puis qui pour moi m'intéresse pas. Donc c'est ce qui fait qu'on se complète bien, vous voyez. Moi je suis vraiment plus côté histoire et tout ça. Donc j'aime les jeux narratifs, les jeux dans lesquels on avance un peu comme une série, un film et tout ça. Donc c'est ce qui fait qu'on se complète bien dans l'équipe et on reçoit régulièrement des collaborateurs qui eux viennent se greffer à nous. Il y en a qui viennent d'ailleurs en passant de l'émission Sœur d'Arcade Québec et les Geeks Contre-Attaque, oui, que vous pouvez entendre les samedis. Donc ça, il y a beaucoup de gens des Geeks qui gravitent bien sûr évidemment autour d'Arcade Québec, mais on a aussi plein de collaborateurs qui viennent, dont un que j'aimerais souligner, c'est Bruno Pierre Gagnon, c'est le chef d'orchestre de l'orchestre Select Start ici à Québec, et lui il vient nous donner une dimension, je vous dirais, des fois un petit peu plus, tu sais, aussitôt qu'on parle de musique, aussitôt que, parce que la musique c'est le cœur des fois de certains jeux vidéo, donc lui vient nous se greffer à nous pour jaser de ça. Donc je vous dirais pas mal à toutes les deux semaines sur trois, on a un invité qui vient nous jaser un peu là, de sa perception du jeu, puis on a quand même des belles pointures qui viennent. Donc, Arcade Québec s'est présenté les jeudis à 19h, de 19h à 20h. Tu nous en as parlé il y a quelques instants, mais puisqu'on n'a pas, on n'a aucun de tes collaborateurs au Geek, ben, je sais que tu collabores souvent au Geek. Qui sont à l'émission de l'ensemble. Peux-tu nous parler, tu es dans le secret des yeux, j'imagine, peux-tu nous parler de ce qui s'en vient du côté des Geeks le samedi de midi à 14h? De ce qui s'en vient au niveau des Geeks Contre-Attaque. Présentement, on a vraiment une belle chimie. On a plusieurs geeks. On est plusieurs personnes, mais on cherche encore des collaborateurs au niveau des geeks. Okay? Donc, s'il y a un geek qui nous écoute et qui veut apprendre à faire de la radio avec nous, lancez-vous, ça vaut la peine. Ce qui s'en vient au niveau des geeks, on a énormément de contenu. On a énormément de sujets qui roulent toujours. Je sais qu'on reçoit des invités à toutes les semaines, ou au minimum, là, une fois ou deux semaines. Et souvent, c'est des humoristes de la relève. On va avoir aussi beaucoup de gens qui gravitent dans le monde du live là, sur Internet. Donc, les Twitchers de ce monde, les YouTubers de ce monde qui sont très intéressés à venir justement vendre leurs projets au Geek Contre-Attaque. Je sais qu'il y en a au moins dans les prochaines semaines, on va avoir des gros noms là au niveau de la plateforme Twitch et du streaming en général. C'est vraiment bien. Donc, on essaie de couvrir. C'est sûr que les Geeks Contre-Attaque vont couvrir beaucoup plus large qu'Arcade Québec, au sens où on va parler films, on va parler séries, on va parler jeux vidéo. Et on a vraiment, je dirais que chacun des collaborateurs a vraiment sa place et est très campé dans son rôle. Tu sais, je pense à Conan Arsenault qui parle de films. Là, moi, j'écouterais ce gars-là parler 4 heures de film à tous les semaines. Là, je veux dire, il connaît ça, il a étudié là-dedans et tout. Donc, on a vraiment une émission qui est beaucoup plus variée qu'Arcade Québec. C'est 2 heures au lieu d'une heure. C'est les samedis de midi à 2 heures. Puis franchement, cette gang-là est magique, là, pour vrai. Il faut les connaître. Puis si vous écoutez une émission, puis vous en écoutez une la semaine d'après, ben tu sais, c'est vraiment différent de semaine en semaine parce qu'on a beaucoup, beaucoup de collaborateurs. C'est ce qui est intéressant avec cette émission-là. Donc, les Geeks contre-attaque qui débutent leur 12e saison, leur 12e année à tout le moins, c'est les samedis de midi à 14h. Merci Stéphane Goulet d'avoir été avec nous. Je te souhaite une super belle saison. Merci, merci beaucoup. Puis merci franchement de nous donner un micro semaine après semaine. J'apprécie énormément. Merci, bonne saison. On poursuit à... Oui. Sortie culturelle, oui. Oui, avec... on est toujours à Sortie culturelle pour le lancement de cette nouvelle saison automnale. Jean-Sébastien, qui connaît si bien la programmation, qu'est-ce qui nous attend d'ici la fin de l'émission, là? Ce qui nous attend, c'est quelques invités. Et là, j'aurai la surprise de découvrir qui est cet invité. Deux invités, oui. Bon, nous recevrons en même temps Calypso Lemoine, qui anime En aparté magazine, axé, ben, qui nous fait découvrir le théâtre, la danse et les arts du cirque à Québec, mais également Jessica Leb, qui anime Sortie culturelle à la Korrigane les mercredis de 18h à 20h. Bonsoir Calypso et Jessica. Bonsoir. Allô. Ça va bien? Bonsoir. Je vais commencer avec Calypso. En fait, ça fait combien de saisons que tu animes En aparté, qui débute ce soir? En aparté, c'est la 3e saison qui commence ce soir à 19h. C'est la saison dans les théâtres qui commence, bien sûr. Nous sommes en début d'automne. Est-ce que tu as des pièces de théâtre à nous conseiller, des pièces que tu vas surveiller tout prochainement? Ben là, prochainement, c'est sûr que tous les spectacles qui sont proposés là, à la rentrée sont quand même intrigants parce que ça donne quand même le ton à la programmation qui va suivre par la suite. Au niveau de la danse, c'est sûr que la messe de l'âne qui est présentée là, à la rotonde, c'est à surveiller. C'est un spectacle aussi où il va avoir de l'argile, donc un jeu avec la matière, puis ça va être vraiment intéressant. Puis sinon, c'est certain que le spectacle à l'aborder pour la suite du monde, théâtre d'objets, donc c'est assez différent dans la grande salle à l'aborder, donc j'ai hâte de voir comment on va pouvoir avoir accès à du théâtre d'objets dans une aussi grande salle qu'à l'aborder, donc voilà. Est-ce que des collaborateurs ou collaboratrices s'ajoutent à ton équipe pour cette saison 2023 dans l'aparté? Possiblement. Pour le moment, ça demeure flou, mais il y a des surprises là, qui s'en viennent possiblement à ce niveau-là. Et je parlais avec Jessica. Tu es toujours là, Jessica? Bien sûr. Oui, Sortie culturelle, le pendant en sortie de notre émission, de ce que vous écoutez en ce moment. Et de retour à la Korrigane les mercredis de 18h à 20h. Peux-tu nous parler de ce qui s'en vient pour la prochaine saison? Toujours des invités en prestation, des prix à gagner. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Ben écoute, oui, c'est déjà la 4e année qu'on donne rendez-vous à nos chers auditeurs à la Korrigane. Donc, on rappelle que c'est gratuit hein, pour venir assister à l'émission. Vous n'avez pas besoin de payer. On vous engage à consommer un breuvage de la Korrigane, mais vous pouvez assister à l'émission librement. Donc, cette semaine, actualité, album, hein, moi, c'est pas mal là-dessus que je vais me concentrer avec la Korrigane, quoique on pourra avoir des prestations de lecture de théâtre. On a même de la danse, même si c'est moins radiophonique. Les gens qui sont à la Korrigane peuvent en profiter. Et cette semaine, bien, 2 sorties d'albums. Alicia Deschênes, qui va nous présenter son 3e album. Alicia a fait l'actualité pendant le festival d'été, puisque c'est elle qui a eu la chance de jouer avec Green Day sur la scène Belle. Et on a l'artiste aussi Ultraviolette dans un tout autre genre, qui est plus dans une pop colorée, justement, qui viendra nous présenter son tout nouveau mini-album. Donc, ces deux artistes seront en prestation pendant l'émission. On va aussi retrouver Marie-Hélène Raymond pour sa chronique livre, c'est toujours le moment lecture, hein, on aime ça, avoir des suggestions, il n'y en a jamais assez. J'entendais Anne-Josée Cameron tantôt dire qu'elle n'avait pas assez de temps dans sa propre émission. Alors vous voyez, on étale la littérature aussi à la Korrigane. Puis Jacques Boivin, notre chroniqueur fidèle pour les actualités musicales, qui m'a annoncé qu'il serait de nouveau mon pilier de bar officiel. Yeah. Alors, il sera de retour pour nous parler spectacle, festival à travers le Québec, coup de cœur de musique émergente. Donc, vraiment très heureuse de retrouver cette petite communauté, mine de rien, qu'on a créée à la Korrigane et qui est bien fidèle. Donc, si vous voulez vous joindre à nous pour la prochaine saison, chaque mercredi, 18h à 20h. Puis aussi, écrivez-nous si vous êtes un artiste que vous nous écoutez, vous voulez faire une prestation à la Korigan, c'est l'occasion. Quelque chose me dit aussi qu'on relancera le concours Talent en scène cette année pour récompenser un artiste de la relève. Ça s'en vient très bientôt sur le site de CKRL. Donc, soyez à l'écoute ce mercredi dès 18h pour la nouvelle, la première édition de la nouvelle saison de sortie culturelle à la Korigan. Merci Jessica d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne saison à tous. Et dès ce soir à 19h, c'est la première de la toute nouvelle saison de En aparté avec Calypso Lemoine. Merci Calypso d'avoir été avec nous. Merci. Bonne soirée. Et on poursuit avec notre dernier invité du jour à Sortie culturelle. Oui, un habitué de Sortie culturelle, d'ailleurs. Absolument, un de nos chroniqueurs musicaux qui le plus présent, en fait, à chaque semaine à Sortie culturelle, anciennement à Première Loge, François-Samuel Fortin. François Sam pour les intimes. Ben oui. Ben oui. Alors oui, François-Samuel, es-tu là? Salut, salut! Oui, t'as dû passer un super été musical. Ben oui, ça s'est poursuivi jusque-là avec la canicule qu'on a eue qui m'a amené à Rouyn-Noranda à voir chaud, curieusement, ce qu'on fait pas d'habitude à Rouyn-Noranda. Puis voir des shows, ça, ce qu'on fait à Rouyn-Noranda. Et pour le FME, ça? Puis ben, je reviens pour transmission transversale aussi, naturellement, chaque mardi de 20h à 21h. Demain, je serai pas là parce que je vais voir un show à Montréal pour moi-même, par contre, cette fois, mais bon. Je peux peut-être en parler si les gens veulent savoir. je vais voir Mr. Bungle et Battles, mais je m'intéresse aussi beaucoup à la musique quand même québécoise dans le cadre de mon émission. Donc, c'est comme les nouveautés de Solipsisme, de Sylvie, de Laurent Sand, à la Claire Ensemble, donc j'ai bien hâte d'y passer. Millimétrique, tout ça, tu sais, c'est sûr que j'essaie de couvrir la scène locale le plus possible, mais aussi les nouveautés. Fait que quand il y a des concerts pendant la semaine, j'en parle. Si c'est des lancements, ben encore plus, parce que c'est des nouveautés et que ça remplit mes deux missions en même temps. Et là, quand tu n'es pas là, il y a quelqu'un qui te remplace? Wynn Radio fait très bien ça quand même en général. Il commence à me connaître. Qui ça? Wynn Radio. Wynn Radio, on va vous proposer. Pardon. Oui, on va vous proposer une sélection musicale de musique locale, un peu dans la même veine que ce que vous propose François Samuel chaque semaine. Voilà, exactement. Fait qu'écoutez demain, même si je suis pas là, ça risque d'être bon, mais ça va être encore meilleur mardi 19 quand je vais prendre le micro. Avec un super beau voisinage avec Sébastien Ouellet, hein, qui propose toujours Rumeur Cosmique. Ben oui, exactement. En fait, moi, j'avais l'honneur d'avoir 2 heures auparavant. Et quand je me suis senti un peu fatigué, je me suis dit que ça allait pour une bonne cause. Et mon ami Sébastien Ouellet a décidé de prendre l'assaut et les ongles avec son mélange d'électro, de découvertes exotiques en tout genre, de trucs rétro, de trucs champ gauche. Donc, ça va être un beau voisinage encore une fois cette saison. Bon, merci François Samuel d'avoir été avec nous. Je te souhaite une super belle saison. Ben, entre guillemets, ça commence demain à 20h. Et un bon spectacle. Spectacle demain. À Montréal. Transmission transversale. Merci. Puis ça se trouve, on se parlera dans le cadre de Première Loge ou on me trouvera peut-être un. C'est Sortie culturelle maintenant. Première Loge s'appelle maintenant Sortie culturelle, François Samuel, pour ton information. Ok, j'ai manqué le début de l'émission. Donc, on se retrouve, oui, avec bonheur prochainement pour que tu nous racontes peut-être tes aventures au FME ou ailleurs. Tout à fait. Merci. Et merci à vous. Bonne saison, bonne bye. Bonne saison. Et Jean-Sébastien, on est presque rendu à la fin. On est presque rendu au bout du rouleau. Ben oui, de cette première édition de Sortie culturelle, en fait édition spéciale pour le lancement de la programmation automne-hiver 23-24. Il nous reste quelques émissions dont nous n'avons pas encore parlé, et j'aimerais ça en parler très rapidement, mais c'est tous des super beaux projets que je vous invite à découvrir le jeudi de 9h à 10h, tout de suite après les matins éphémères. Une émission qui est de retour, un magazine animé par Jean-François Artaud, à bien y penser. Je suis vraiment content que Jean-François ait accepté de continuer. C'est un super beau magazine où il aborde des questions sociales, politiques, mais avec un angle philosophique. Il aborde également, une fois de temps en temps, des œuvres. Il a parlé de la vie d'André Mathieu sur 2 épisodes. Il a parlé d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll en profondeur. C'est vraiment des super belles analyses. Et là, on parle de Jean-François Artaud qui fait aussi des chroniques politiques. Politique, absolument. OK. Qui est un avocat, donc qui a vraiment plusieurs expertises en politique, en droit. Donc, il y a une partie de son cerveau qui parle d'autre chose. Absolument. Et oui. C'est un super vulgarisateur, une voix de radio exceptionnelle. Donc, je vous recommande l'écoute de la Bien y penser, qui poursuit, en fait. C'était en début de soirée, hein, jusqu'à la semaine dernière, et ce sera le jeudi matin de 9h à 10h. Les samedis, de 9h à midi, l'Accroche-cœur est de retour en musique classique animée par Jean Lecomte et Jean Perron. Le dimanche matin, de 9h à midi toujours, continuo et de retour en musique ancienne. On a par la suite les samedis Ubuntu, de 16h à 17h, qui est de retour, magazine musical. On a ensuite Terra Incognita, on a parlé plus tôt dans l'émission. Musique psychédélique, donc de 21h à 23h. Les dimanches, je vais y aller rapidement. Je vois qu'on me fait signe, ça achève. Il y a trop de beaux projets à vous décrire. Là. Les Routes Enchantées sont de retour le dimanche de 13h à 15h avec son équipe rotative qui nous font découvrir plusieurs styles musicaux. Un exemple, émission mosaïque, comme on peut dire, de propositions musicales. Gilles Chaumel est de retour avec Folk d'Amérique après un été de pause. On a par la suite Partout les chemins avec Odette. Partout où on va, encore une fois, oui. Avec Pamela Bisson et les jeunes du Machin Club. Un rendez-vous incontournable. Et pour terminer, Rock Medium avec Mathieu Johnson, qui va nous faire saigner les oreilles encore une fois cette année, de 22h à minuit, donc les dimanches. Et Errance Rinaldienne, tout juste après, hein, le lundi de minuit à 2h du matin, en humour et en chanson, en rencontre, en fait, en musique francophone. Merci d'avoir été avec nous, Pamela. C'était une super belle édition, en fait. C'est plus le contraire. Mais merci à toi. C'est oui, ça, je serai plus jamais là. C'est ton émission. Tu voles ma place. Mais oui, merci, Jean-Sébastien, d'être venu nous présenter la programmation dans tous ses détails. Et merci à tous les animateurs et animatrices de s'être déplacés ou d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. On va se retrouver, nous, demain à 16h pour une première émission officielle sortie culturelle animée par moi-même. Je vous donne rendez-vous pour un festin culturel. Je vais vous servir des invités, des prescriptions culturelles à chaque jour. Pas tous les jours. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 16h à 17h30, vous pourrez me retrouver sur les ondes avec mon sourire dans le visage. Voilà, on se donne rendez-vous. Et une bonne saison à toi. Ben merci, Pamela, vraiment. Et à vous aussi, chers auditeurs. Et merci, ouais. Et merci à tous les animateurs et toutes les animatrices, producteurs, productrices qui sont venus nous voir et qui vous accompagneront au fil de la saison. Bonne soirée à tous. Dans quelques instants, on va passer en musique, mais à partir de la semaine prochaine, Futur Simple et Valérie Levé sera de retour. Et à 19h, c'est en aparté avec Calypso Lemoine. CKRL 89.1.